Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, bonjour. Le rap. Ah oui. C'est vrai que c'est. C'est du foreshadowing. Tu penses que c'est une émission en mode rap? Ça peut être en mode rap, attention. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis avec Adrien Méniel. Adrien Méniel, comment vas-tu? Un début de journée un peu compliqué. Ah, tu veux que je parle de ma diarrhée? Tu veux que je parle de ma diarrhée? Tu m'as lancé. Pas tu du l'as... tout, parle de non, non. Tout. Un mauvais début de journée, je vais pas rentrer dans les détails, même si je viens de donner le pire des détails. Mais, le highlight. Mais... ça a été très bien rattrapé, notamment grâce aux deux loustiques là qui sont en face de nous. On vient de se boire un verre en deux terrasse. Deux invités un peu en avance, du coup on prend un verre en terrasse. C'est ça la au liberté, soleil. Ça peut me rendre c'est heureux ça, au la soleil. Vie. C'est quel plaisir, ça quel plaisir. Et nous sommes avec notre premier invité qui est journaliste, animateur et écrivain. Ses émissions, le Code Review cartonne sur YouTube. Il a lancé depuis septembre. Alors il l'avait lancé un peu avant, mais là en format hebdo, le Mousecast. Oui, oui. Peut-être qu'il parle de pop culture dans un sens plus large. Et il vient de sortir un livre sur l'explosion de, et la place aujourd'hui du rap dans le monde. Le rap a gagné, mais à quel prix? Adrien sort pour sa part. L'Eurodance a perdu. Personne n'est surpris. C'est un livre que tu sors chez Flammarion c'est vrai, c'est à la rentrée. Mais on n'est pas, pas là pour parler de lui. C'est Mehdi Maizi. Bravo. Oh merci voilà. Beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. J'applaudis là. On est ravis. Il y a un applaudissement très puissant à la gauche de Mehdi. Je vais le présenter tout de suite. Notre deuxième invité est auteur, animateur et chroniqueur. On l'a vu entre autres sur France 4, Nickelodeon, Move. Et il a accompagné Mehdi à l'époque sur Rap Jeu. Aujourd'hui, il co-anime avec lui le Mousecast. Et selon une bio que j'ai trouvé sur internet, wow, il serait mi-homme, mi-machine à punchline. Rien c'est que ça. Rien que ça. Alors c'est un livre que je sors pas ça. Qui s'appelle Les punchlines ont perdu et à quel prix? 12,90€ et apparemment le public n'est pas d'accord. Et bien dans ce monde où la haine se fait entendre, et bien dans son prénom, le haine est muet. C'est Guy Ranfal. Merci, bonsoir. C'est super. Le N n'est pas muet, mais j'ai envie qu'il le devienne à partir ah bon de maintenant. Mais t'appelles Guy Ranfal tout le temps, non? C'est vrai, c'est vrai. J'exonère un certain nombre. C'est déjà jamais repris. Non, bah non, parce que c'est mon patron. C'est mon patron aujourd'hui qu'il n'est pas muet, ce N. Pour moi, il était muet, je suis non, on dit Guy Ranfal. Mais okay, c'est vrai que comme voilà, Mbappé, quoi. Comme exactement. Okay. Sauf que avec des lettres différentes, mais exactement. Oui, c'est non, la mais c'est parce que je veux bien dire, sûr, on c'est dit la pas Mbappé, on dit fait. Mbappé, on dit, et voilà, on dit Nguiran. Normalement, mais j'exonère parce que sinon, le problème, c'est que les gens disent Nguiran et t'aimes encore moins. Ça m'agace. Voilà. Et donc, exactement. Mais tu mets le doigt sur un truc, c'est est-ce que oui, tu corriges les gens qui disent mal ton prénom? C'est quelque chose que, qui te. Qui alors, je corrige les gens que je considère pardon, comme étant pas oui. des hommes de haute valeur. Dès que je pense que quelqu'un est de haute valeur, je lui laisse faire tout ce qu'il veut. Appelle-moi Najrin, appelle-moi Michel, j'en ai rien à foutre. Najrin. Erwan. Erwan. Erwan. Erwan. Erwan. Le nombre de fois où on m'a dit ah, c'est breton. Ouais. Bah, il y a des fois où j'ai dit oui. Mais oui. Face à un homme de haute valeur. Pas seulement. Pas seulement. Ou alors un homme. Mehdi voilà. Appro aujourd'hui que tu n'es pas breton, ça fait plaisir. Ouais, exactement, exactement. Bon, on est trop content de vous recevoir, les gars. Ça fait trop plaisir. Comme à l'accoutumée, on va faire le jeu du Floodcast. Pourquoi changer, Adrien? Regarde-moi droit dans les yeux. Je vois aucune raison là. Alors là, je suis tu à brûle pour est-ce point. Est-ce qu'avant qu'on commence, moi j'ai deux petits trucs pour vous. Enfin, alors, rien de fou. Oh, le salaud. Non, non, mais il arrive les mains pleines. C'est rien de fou. Déjà, il est venu avec sa bonne humeur. Mais non, mais déjà. Ouais, déjà. Non, mais c'est vrai. Elle est très belle d'ailleurs. Deux bonne humeur. J'ai ramené un livre. Oh, merci. Voilà, merci même merci si vous beaucoup. Le direz pas, mais ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est ce j'en ai plein, j'en ai plein à la baraque, j'ai pas quoi en foutre. Donc voilà. On a bien compris que c'était ça l'idée. Et pour Adrien, pardon, c'est pour Adrien, j'ai ramené un petit truc en plus. C'est énorme, c'est énorme. Et c'est le DVD d'un petit truc en plus. Oh. Sur le basketball. Bon, mais ça. Alors, voilà, sur le basketball français, l'équipe de France, je sais pas si tu suis ça ou c'était plus les États-Unis, peut-être que je me suis complètement loupé. Non, non, non, écoute, moi, ni l'un ni l'autre, hein, pour être honnête. Non, non, non, non, mais si, si, non, mais en plus là, c'est historique, c'est-à-dire que c'est l'équipe de France à travers. Exactement, fait oui, par donc... Trash Talk. Mais bien sûr, c'est eux qui avaient fait l'autre bouquin. Exactement, ouais, genre que, le plus que grand que, et que j'ai aussi. Et avec les deux, ça prend la place de mon appart, donc c'est. Tu, peux non, faire une, tu peux te faire une véranda en fait. Tu peux me faire un fort. Avec pour non non merci beaucoup il est hyper beau en plus avec putain. Plaisir ouais c'est un beau livre que moi que j'ai eu la chance de recevoir pour être très honnête et je me suis dit que tu en feras un bien meilleur usage que moi et pour Guiran oh là, tout le monde sauf Flo c'est pas vrai c'est incroyable mais si, Flo, si, il a pas gagné oui oui non mais moi aussi je l'ai ouais. Guiran pardon j'ai fait ah bien sûr j'ai qu'est-ce que c'est que ça acheté une peluche d'un toréador voilà j'étais à Madrid hier c'est parce qu'il a parce que tu me fais marrer toi Flo avec tes livres là tes petits films. Oui, oui. Mais Guérin, il a un projet de film aussi de long métrage. Tu peux nous pitcher peut-être. Je veux faire le casting pour le premier rôle. Ah oui, ce serait bien. Mais pourquoi un casting? Tu es pris en fait. Oh, c'est vrai que Adrien serait bon dans ce rôle. Mais attends, je te montre mon test indemne, je suis 25% espagnol. Mais alors, tu es pris, donc tu feras le 2, le 3, le 4. C'est ça, pour moi, c'est une réplique du personnage. C'est qu'il absolument se trouver des origines. Bien sûr, mais c'est moi ce mec. D'ailleurs, ça commencera avec le test ancestry.com où il découvre qu'il est là. Et d'ailleurs, le 2 sera quand il découvrira qu'il est 0,3% congolais et que il va devenir à mon grand dame, je ne le sais pas. Non, mais ça, c'est le personnage. Oui, bien sûr, non, mais après, il peut tout jouer ce mec. Moi, je vous le dis, il peut tout jouer. Il peut tout jouer. Tu peux nous pitcher ce film, parce que nos auditeurs du podcast ne sont peut-être pas au courant. Bien sûr. Alors, ça, c'est vrai que ça me fait très plaisir de pouvoir pitcher ce projet de film qui est né. Dans le métro, en allant à Saint-Denis Université, très exactement, avec Mehdi. Oui, oui. Il est né là-dedans. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Cette histoire, c'est l'histoire de Pedro Sanchez. Pedro Sanchez, c'est quelqu'un qui est né dans la mauvaise époque. Il l'a senti depuis toujours, finalement. C'est moi. Voilà. Tout le monde lui promettait un brillant avenir, peut-être d'expert comptable ou de chef comptable, mais lui, il a un rêve. Une envie, une ambition, devenir matador, toréador. Pourquoi? Parce que sa passion, c'est la tauromachie. La tauromachie qui est, pour lui, injustement décriée dans la société moderne. Et le truc, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas le fait qu'il serait le dernier matador, celui qui est là pour transmettre le bâton, pour continuer cette culture ancestrale de buter des taureaux avec une épée et de leur couper une oreille avec un public qui fait « Waouh, génial !» qui l'acclame. Et donc, il apprend l'espagnol seul sur Duolingo depuis quelques années et il se balade systématiquement avec son identité puisque lui, il s'identifie comme c'est ça qui m'a rendu. L'ultimo matador. Ouais. Et voilà. Donc voilà la première scène où Adrien, tu vas déjà enfin parce que c'est je Adrien, parce que, c'est ça qui m'a Adrien dit est là. Que je voulais le rôle. Absolument. Tu l'as pitché dans un absolument. Un ouais, exactement. Et c'est son troisième rendez-vous où on lui propose Pôle Emploi. Son troisième rendez-vous France Travail. Ça s'appellera Pôle Emploi parce que alors on écrit le scénario, ça s'appelait encore. Il n'y a pas eu la jonction avec l'UNEDIC. C'est très technique également sur l'administratif. La tauromachie et l'administratif, c'est votre bienvenue chez les ch'tis. C'est vraiment mon univers. Voilà, et le truc, c'est que ce qui va le faire basculer, c'est que sa conseillère pour l'emploi va lui dire si vous refusez encore ce poste de logisticien, là pour le coup, c'est à moins de 30 km de chez vous, vous allez perdre vos droits. Et là, il lui dit como se dice en espagnol. Pourquoi? Et là, elle n'est pas capable de lui répondre. Et là, il va décider de prendre son destin en main de relancer la corrida. C'est vrai que ça sera un rôle de composition hyper intéressant parce que pour des raisons réalistes, il va falloir vraiment tuer des vaches. Donc Adrien va énormément pleurer. Ce sera ton cannibale holocauste. Et, et donc voilà, Pedro Sanchez est l'ultimo matador. En fait, c'est le chant du cygne de la tauromachie. Bien sûr, pour lui dire un vrai au revoir. Exactement. C'est Requiem for tauromachie. Alors, le jeu du Floodcast, commençons. Quelle tendance est adoptée chez de plus en plus de couples au sein de leur foyer pour éviter disputes et tensions? Une mode, est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est le mutisme? Pas le mutisme. Un divorce. Contrat. Pas le divorce. Poser un contrat. Ce n'est pas un contrat. Est-ce que c'est sous forme de jeu, un peu un jeu? Oh non. Est-ce que c'est une formation en ligne? Ce n'est pas une formation en ligne. Pour éviter les disputes. C'est une pratique. Genre, oui, voilà. Ah, si on s'engueule, on fait ça. Un truc. Alors problème. Non, c'est quelque chose avant l'engueulade. Si on sent qu'on va s'engueuler, hop, on va faire non. ça. Non. C'est justement en fait c'est. Ils veulent changer quelque chose au sein du foyer. L'amour. Qui est souvent, foyer, enfin début de tension quoi. C'est à cause de ça souvent les couples s'engueulent. Et donc pour éviter ça. Pas portable à la maison. Alors c'est pas ça, mais on s'approche un petit peu c'est de ce tâches, genre de. Les tâches ménagères, ce genre de choses. Ce n'est pas autour des tâches ménagères. Prendre une femme de ménage. Non, ce n'est pas ça. Mais je pense que ça peut effectivement. C'est assez intéressant que personne, vu qu'on sait que c'est un couple, personne n'a mentionné le sexe, puisque dans le couple, il n'y en a plus du tout. Ça, on sait très bien. Je trouve ça intéressant. Trois ans mon expérience, ça n'existe pas. C'est ça. C'est un mythe. Mais c'est ça. Une légende urbaine. Non. Non mais il y a plein de couples qui baissent, mais pas ensemble. Non. Pas... Peut-être, je sais pas, quelque chose de... Moi, je pense à un truc de séparation des tâches ou tu sais de alors pas séparation des tâches, mais on est sur un truc le terrorisme. C'est pas un truc que c'est quoi le terrorisme? C'est pas s'isoler, c'est l'organisation du travail quand tu sens qu'il y a de la tension, l'un s'isole, je sais pas. Alors non, c'est pas c'est faire appartement différent. Alors on s'approche, on est vraiment pas loin. Ah, lit séparé? Pas lit séparé, mais on s'approche. Couverture séparée. Non mais ça, ça moi ça m'angoisse un peu. T'as envie d'en parler ça? Moi je recommande chaudement ça. Ah ouais. Couverture séparée? Moi j'ai tendance à dire. Ah ouais. Parce qu'en fait je trouve que ça éloigne le couple. Je l'ai fait un moment. En fait, chacun avait sa c'est couverture fou. Et en fait, il y avait fatalement moins de contact, je trouve. Bah non, et de, parce que s'il y a un chevauchement, tu peux quand même te retrouver, mais au moment de dormir, chacun sa couverture. Y avec a pas une de... très grande couverture, ça marche aussi. Oui. Non, non, non, c'est pas pareil. Ah ouais. Il y a tu des veux... gens, il y a des volonté de. Oui. On marque une frontière. Non, mais il y a des gens qui s'arrangent toujours pour prendre toute la couverture, quelle que soit la taille. Des ils s'enroulent dedans. On en parle pas assez machin. Dans les médias d'ailleurs de ces gens-là. Et là, du coup, il y a un truc, mais dans les pays scandinaves, ils font tous. Non, mais moi, j'ai séparé. Plutôt. J'ai un truc. Moi, je juge pas. J'aime bien. Heureux. Toujours plus raciste aussi, mais ça n'a rien à voir. Non, mais moi, j'ai un truc de. À la limite, aller au bout. Faites lit, c'est pas ou chambre, c'est pas. Ce que je peux entendre. Non, mais ça. Ce que je peux entendre. Des arguments. Mais divorcer aussi. Non. N'importe quoi. Non. Mais quoi? Bah non, pas forcément, mais c'est bien sûr. Raisonnement par l'absurde. Pourquoi dire ah oh bah faites lit séparé? Bah non. Non, moi je peux comprendre des gens qui font lit séparé, mais je trouve que la couverture c'est un peu un entre-deux. Oui, bizarre. C'est un peu l'étape d'après de ce que tu décris. C'est on se voit avant. Bah, c'est en termes de lessive, ça dort, m'emmerde de couverture. Ouais, c'est il y a deux couettes, ça veut dire oh, chiant. C'est juste vraiment pas moi c'est tout, un truc pratique. Pas du tout, c'est deux couettes plus petites, ça change rien. Bah, c'est des housses. Enfin, je veux dire, c'est. Voilà. Arrêtez. C'est juste pour me contredire. Non, et puis il y a ce plaisir. Quand par exemple ta compagne, enfin quand tu te couches avant ta compagne ou que tu te lèves après ta compagne, tu as le très grand drap pour toi tout seul et tu peux t'enrouler tel un sushi, vois-tu. Ça c'est un plaisir. Donc une petite couverture. Bah voilà, tu t'enroules comme un sushi, tu t'endors et l'autre il arrive. Ah bah j'ai pas de couverture parce que l'autre con il est enroulé dedans quoi. Mais non. Mais bien sûr que tu peux pas t'enrouler dans une petite couverture. Mais si. Ah donc tu, en fait c'est deux grandes couvertures. Oui, c'est deux grandes couvertures. Et pourquoi pas d'ailleurs. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Ça tu m'as racheté deux grandes couvertures. C'est des couvertures qui font genre deux tiers du lit, donc elles sont quand même grandes, tu peux quand même t'enrouler dedans. Il y a une zone de chevauchement. Okay, okay. Donc en fait, tu peux quand même te rejoindre au milieu et être quand même. Bien sûr, vous êtes pas visionnaires, les mecs. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a un côté Schengen. Oui. Il y a quand même deux couvertures différentes, mais il y a une zone d'entente où il n'y a pas de frontière. Il y a une zone beaucoup plus chaude au milieu, tu vois. Mais après, attention, moi, depuis que je gagne plutôt ma vie, mon vrai premier achat était un lit. Grand parce que justement moi je suis j'aime pas être près de ma compagne quand je dors d'ailleurs j'aime avoir mon petit espace t'aimes être près de d'un autre mec avec les potes avec les potes trop cool c'est parce que tu m'appelles à chaque fois tous les soirs tu fais quoi Adrien je dors mais je suis d'accord avec toi c'est-à-dire que moi je suis pas partisan de couverture séparée ou de lit séparé mais c'est vrai que dormir j'aime pas trop les contacts non plus tu vois c'est genre on dort voilà non mais je vous rejoins là-dessus. Mais vous allez y venir, vous allez. Moi, vous j'y suis déjà allé. Je suis déjà allé et je trouve que ça a cassé un truc à un moment dans nos nuits. Mais vraiment, là, j'ai vraiment l'impression que Maastricht c'était comme ça. C'est-à-dire qu'au début, tout le monde disait non, l'euro, mais je suis pour. Hein. J'ai réussi à quand même vous faire un peu pivoter. Oui, mais c'est ta puissance. En tout cas, t'as la puissance dès que j'arrive, j'ai envie de dire, oui, parce que c'est le rap. Oh, il est vraiment centré sur nos invités, il est très fort. Je ferai quelques petites citations. Et quel autre rappeur français aussi a eu un morceau qui s'appelle La Puissance, au-delà de Rof? Tu le sais. MHD. Oh là là, c'est le meilleur, c'est le hip-hop. Oui. Il a pas menti. T'as vu comme mon rythme cardiaque dès qu'il y a un jeu. Oui, dès qu'il y a un jeu. Je suis claqué des doigts. Fou, allié. L'enfant du 19e, je veux dire. J'essaie de grappiller chaque petit truc de joie, d'excitation là, c'est terrible. J'ai une interview d'ailleurs pour tout à l'heure qui est pas vraiment un jeu, mais une interview qui peut t'amuser, Aujourd'hui, tout peut m'amuser par rapport à mon début de journée là. Est-ce que c'est plus drôle que d'avoir une putain de chiasse? Oui, bon bah ça va m'amuser. Je sais pas. Hop là. Vous l'avez pas mis, il jongle carrément avec des verres tellement il a envie de s'amuser. C'est le jeu, c'est divertissement ce mec. Alors par contre, attendez. Oui, parce qu'on a pas intéressant de trouver du tout. On s'approche, c'est un truc séparé. Séparé. Des toilettes? C'est en partie la réponse. Salle de bain. Salle de bain séparée. Ah ouais? Alors attention, on parle de gens riches. Dis donc, les femmes elles se maquillent pendant 2 heures et moi je vais au travail. Ouais, pour le coup là. C'est une pièce de boulevard en donc fait. Donc ça concerne les 1% en fait. Alors, clairement. C'est un article de Isabelle Mergo, Adrien. Effectivement, c'est le théâtre de boulevard. Non. J'ai vraiment cru. J'ai vraiment cru. C'est que là, vraiment, là, je me suis dit, intéressant ça, elle écrit. Isabelle Mergo, d'ailleurs, pour les gens qui ont un cheveu sur la langue comme moi, qui a été quand même. Une icône. Une identification. Ah, on peut réussir et parler dans les médias en ayant un gros cheveu sur la langue. On peut réussir et. tous les gens des grosses têtes nous vanneront la gueule à chaque fois qu'on l'ouvre. Elle et Sophie Favier. Et Sophie Favier. C'est vrai. Il y a AKH, Sophie Favier et Isabelle Mergo. AKH, évidemment, quand j'ai découvert Akhenaton, alors je me suis dit, c'est bon. Rappelez quand même, Lily Fit, Incite, Exit. Donc quand t'as un jeu sur la langue et que tu te permets de dire ça. Plus rien ne suscite la réussite. Tu vois, ça m'a, exactement. Ça m'a permis de, tu vois, de prendre confiance en moi. Isabelle Mergo, donc oui. On lui fait un shout out. Le Bathroom Divorce, parce qu'à chaque fois qu'une tendance, par exemple, ils sont obligés de lui donner un nom. Parmi les sources de tension récurrentes dans un couple, la salle de bain revient souvent. Avec le temps, ces petites disputes peuvent se transformer en véritable guerre ouverte entre les partenaires. Pour remédier à ce problème, certains couples décident donc de faire salle de bain à part. C'est ce qu'on appelle le bathroom divorce. C'est un sujet qui cristallise. Jamais été un problème, moi. Mais moi non plus. C'est vrai que je suis pas trop là-dedans. Une étude réalisée par YouGov pour meilleurs agents révélait que les toilettes séparées étaient même un critère obligatoire pour 78% des femmes lors d'un achat immobilier. 78%. Car les hommes chient de la merde qui pue, visiblement. Oui, alors que les femmes, ça sent quoi ? De quoi tu parles ? Elles ne font rien. Enfin, je veux dire, aux toilettes. Ah, mon pauvre ami. Aussi, deux tiers des personnes interrogées considéraient les toilettes comme un tue-l'amour. Pire, la moitié des femmes estiment que c'est une source de dispute. Quand on estime à 312 fois le nombre où un couple se dispute, le bathroom divorce semble une bonne solution pour amener un peu d'harmonie à condition d'y mettre le prix. Bien évidemment. Mais. Évidemment. On a des informations sur. S'il y a des annonces d'emploi chez YouGov. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils se marrent bien quand même. C'est-à-dire qu'ils vont intéresser. Alors vous, le caca, vous pensez quoi, je veux dire. Mais c'est souvent dans le couple, hein. On se pose souvent la question dans le podcast, même quand c'est des jeux sur. Enfin, la question est autour de la science. De dire, mais est-ce que vraiment là, on essaie de voir si des souris baisent quand elles ont du sucre. Et donc le sucre, ça a un effet sur. Ah, oui, bah, on trempe dans l'huile, on trempe dans l'eau, ça fait un escargot tout chaud apparemment. Alors, mais ne le mettez pas dans votre culotte, parce que là, ça fait trois petites crottes, c'est je ris. Non mais il y a quand même une question, c'est si c'est vraiment genre tu te sépares si t'as pas deux salles de bain, peut-être séparez-vous quoi. Oui, oui. Je suis d'accord. J'ai envie de dire. C'est vrai. Je suis d'accord. C'est vrai que ça n'avait jamais été trop un souci. Dieu sait que j'en ai connu des soucis. mais franchement, pas de ce niveau-là quoi. Enfin, moi non plus. Même les toilettes. Les toilettes. Moi, tu sais, c'est comme quand tu prends la première classe pour une fois, t'as du mal à retourner à la seconde. Oui. Tu vois, ça arrive. Là, moi j'ai eu un peu ça. J'ai toujours eu un seul toilette. Et là, c'était pas un critère, mais le fait est qu'on est dans un appart où il y a une salle de bain avec toilette et un autre toilette plus loin. Est-ce que c'est agréable, ça, chacun le sien c'est pas ça. C'est qu'il y a le toilette du pipi et les toilettes du caca. C'est vrai. Et oui. C'est et bizarre ça. Attends, caca, c'est là. Bah bien sûr que non. Les toilettes de la salle de bain, c'est le caca. Bien sûr que non. Oui, oui, oui. On pisse tous là-bas. Les invités. Oui, parce qu'on n'est pas obligé de faire caca quand on va dans ces toilettes. Non, parce que là, les invités, ils ont leurs chaussures, c'est ils vont pas marcher dans la salle de bain. C'est Fort Boyard, le truc pour aller pisser, c'est pas possible. Peut-être, par contre, si tu rentres dans ces toilettes-là, il faut que tu chies. Hein. Alors oui, par contre, sinon je m'énerve. Moi, je chie toujours un peu. Par le doute. Je sais pas ce que je vais faire. Bon, allez, dans le doute, j'ai chié un peu. J'en garde toujours un peu. Si j'ai pas envie sur le moment, j'ai un petit Tupperware. Ça me rappelle, vous savez, que Philippe Catherine collectionnait ses étrons. C'est vrai, bien sûr. Dans un frigo. Ouais. Philippe Manœuvre aussi, c'est moins connu. Non, pas du tout. Ça me dégoûte alors que j'adore Philippe Catherine. Je comprends ton point, mais j'ai le même truc. J'ai découvert le fait d'avoir une salle de bain avec des toilettes et un toilette séparé. Et j'avoue que moi maintenant. C'est pareil, il y a le caca. Il s'est trouvé. Non, il n'y a pas de caca. Il y a le mien et. Ah oui, vous c'est vraiment. Ouais. Wow. Et qui a celui de la salle de bain ? Ma femme. Eh oui. Moi j'aime pas les chiottes dans les salles de bain. Question, pardon, parce que moi quand je me réveille toujours la nuit pour aller faire pipi, le jour où ça t'arrive. Est-ce que tu vas dans les plus dans celle de la salle? Je vais toujours dans les tiennes. Après, même chez moi, plus loin. Ouais, bon après, en termes de mètres carrés, oui, voilà, le plus loin Paris est 1 mètre. Donc c'est pour toi, c'est pas grave. D'accord. Okay, vraiment, Mehdi a un immense appartement. Non, mais tu prends l'ascenseur pour aller où? Tu vas dans la dépendance? Tu vas dans la toilette de la dépendance ou? Non, mais parce que toi, j'explique parce que non, moi, j'ai dans mon appartement, j'ai un souplex, donc on a une chambre qui est en sous-sol en fait. Donc il y a des toilettes. Dans cette chambre-là, et il y a les toilettes en haut. Et la nuit, flemme de monter les escaliers pour aller. C'est pour ça. Attends, en fait, bien sûr. Donc, bien si sûr. Les toilettes du bas étaient celles de l'autre, bref, oui, c'est relou, compris. Non, voilà, oui, c'est pour ça que je dis ça. Mais moi, le truc, c'est que. Oui. Chez toi. Bah, c'est juste que moi, je peux pas. Tu vois, parce que l'autre toilette, c'est en vélo, donc c'est chiant. C'est ça. Non, mais moi, j'aime pas. Parce que les toilettes de l'entrée sont pour les invités. Parce que moi, j'ai pas de problème avec les gens qui gardent leurs chaussures chez moi. Ça peut aller. Je préfère quand ils les enlèvent. Je vais être très sincère avec vous. Mais je l'impose jamais aux gens. Non, mais tu vois, je te l'ai jamais imposé. C'est vrai, c'est vrai. Tu l'apprends qui préférait que tu les enlèves. Non, je préférais, tu viens de le dire. Oui, mais je la prends. C'est pas dingue, tu vois. C'est une préférence de quelques pourcents. Ça te gêne pas en fait. Ça me gêne pas du tout. C'est juste à choisir. Bon, si tu me demandes mon avis, voilà. Mais la salle de bain, les chaussures, ça, ça m'en fout. Donc, les toilettes dans la salle de bain, ça, je trouve ça dégueu parce que je marche pieds nus dans ma salle de bain. Et du coup, je trouve ça un peu dégueu. Ok, très bien. Un jour, j'ai posté une story où j'avais mes chaussures chez moi. Et il y a quand même quelqu'un qui m'a dit tu dis que t'es genre à cheval sur l'hygiène, t'es en chaussures chez toi, je trouve ça bizarre, tu peux m'expliquer et tout. Je fais mais non, je vais pas t'expliquer. Laisse-moi tranquille en fait. C'est fou quand même. J'aime bien. Il y avait un truc genre non, mais c'est bizarre non, enfin je comprends pas et tout. Je fais, oui, bah ne comprends pas. Écoute. Le processus mental, j'ai du mal à comprendre le processus mental d'avoir de devoir commenter beaucoup de choses. Mais c'est surtout le fait de donner son avis sur des choses comme ça en se disant. Je vais lui changer sa vie. Je vais le choper là-dessus. Mais c'est vrai que tu lui répondes. Excuse-moi, qu'est-ce qui m'a pris? Je suis trop con en fait. Je m'étais pas rendu compte et merci. Tu me sauves. Est-ce que t'aurais un bon coup de balai? Tu me sauves un bon coup de balai. Est-ce que t'aurais un pourcentage du nombre de germes par exemple que je pourrais éviter d'avoir sur les chaussures? T'as des messages très surprenants des fois. C'est-à-dire que là, il y a 3 jours, je poste une story où j'ai un vinyle, etc. Il y a vraiment quelqu'un qui me dit. Enfin, le sujet c'est le vinyle quoi. Tu vois, on voit même pas ma tête. Il me dit, tes ongles ils sont un peu longs, Mehdi. Oh. Gros, enfin. Mais ça, est-ce que genre, c'est des gens ça, tu vois, genre c'est bizarre. Mais c'était premier degré, hein. C'était pas une blague. Non, c'était vraiment. Et toi, pas en plus, t'es intervieweur. Et je me dis, tu dois. Est-ce que. Ah non, c'est une question d'ailleurs plutôt. Est-ce que tu reçois des gens qui disent. Ah, t'aurais dû lui. Pourquoi t'as pas répondu là-dessus? Pourquoi tu lui as pas posé ça? Pourquoi alors, ouais. Le public rap, pardon. Ouais, évidemment. Quel enfer. Tout le temps. Un public expert. Aussi, hein. je comprends les gens. Je fais très mal mon travail. Mais ça, à la limite, c'est compréhensible. Enfin, tu vois, ça peut. Oui, à la limite. Ils attendent quelque chose. Mais sur mes ongles, bon. Non, mais c'est comme. Je sais pas. C'est comme les gens qui viennent chez toi et qui te disent comment t'aurais pu décorer. Ah, c'est fou. Les gens qui arrivent et qui font. Mais. Tu sais que tu peux mettre une mezzanine. Et là, tu gagnes. Mais si j'en ai pas mis, c'est parce que je m'en branle. Je connais pas l'existence du concept de mezzanine. Merci de m'apprendre. Alors, que vous soyez en couple ou ayez en couple, peu importe, est-ce qu'il y a des trucs au quotidien avec d'autres personnes qui peuvent vous tendre un peu, vous, dans votre. Genre, je sais pas. Non, moi, finir les trucs dans le frigo. Franchement, rien, moi. Je sais pas bien rangé. Y a rien. Je suis chill. T'es un mec qui. Moi, je t'ai souvent décrit comme easy peasy. Non, c'est plus moi qui je pense peut être un peu agaçant parce que je suis pas maniaque, je suis pas le plus c'est le moins qu'on puisse dire, le plus strict sur le rangement, etc. Donc, et j'ai beaucoup d'affaires, parfois j'ai beaucoup de chaussures, donc c'est le bordel. Tu vois, donc souvent, tu vois, t'as une chaise dans le salon qui va vraiment être une forme de porte-manteau improvisé. Bien sûr, on connaît cette chaise. Je pense que pour l'autre, c'est un peu insupportable. Ouais. Donc, moi j'ai pas trop de trucs, mais je pense que je donne des raisons d'agacement à l'autre. Ok, d'accord. Voilà, je le reconnais. D'accord, mais c'est mieux, mais vaut mieux ça qu'être les deux. À savoir être chiant sur des trucs. Bonsoir. Je suis obligé d'intervenir sur un truc. Si je peux rebondir. Oui, t'as quelque chose, Adrien, toi? Non, dis être les deux, oui, bien sûr. C'est, mais c'est quoi, toi, qui t'agace? Les trucs qui m'agacent. Au quotidien. Dans l'ordre? Non, mais. En vrai, je. D'accord, j'ai, ça, tu vois j'ai pas. Rien, je sais pas. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, qu'en vacances, quand il y a des potes à la maison, que je suis chez des potes, j'aime pas le fait que. Il y a un peu un agenda. Ça me rend assez fou. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Oui, un truc ça, de. Oui. Oui, mais là, faut se lever. Enfin, tu vois. Et là, franchement, à part la bouffe, parce que on reste français, et quel plaisir de partager une bonne assiette entre amis, bien sûr. Et merde au bout d'un moment. Mais c'est vrai que les trucs de. Ah, venez, on fait ça tous ensemble. Ah oui, ça, alors que moi, j'ai aucun problème à dire. Mais attendez, allez-y sans moi, mais si j'ai pas envie. Et c'est mal vu, ça. Et c'est mal vu. C'est mal vu, t'es genre, t'es un connard si tu fais ça. Non, mais franchement, il est chelou, il est pas dans le groupe. Je suis d'accord. Alors, moi, c'est pas ça en couple, mais ça peut être ça, effectivement, en vacances. Et pardon, je vais revenir sur les toilettes. Mais quelque chose, pour le coup, qui m'agace et qui me dégoûte, c'est quand quelqu'un va aux toilettes et n'essuie pas. Ah là là. Même si ça laisse une petite. Tu vois, un animal. Et une fois, j'en ai déjà parlé avec quelqu'un qui n'était pas vraiment un ami, mais qui était là dans le groupe, qui m'a dit enfin, c'est bon, j'ai pas non plus, c'est pas l'hôtel quoi. Enfin, c'est pas question quoi, de. Quoi, juste nettoie le caca. Oui, tu vois. On parle de caca. Oui, on parle de caca. Franchement, ne pas tirer la chose après un pipi, c'est dégueulasse, mais qu'il oublie à la limite. Non, mais nettoyer, ça peut être. Tu sais, il y a ce genre de porc qui ne relève pas la lunette pour pisser et qui pisse. Oui, oui, qui laisse les gouttes et qui ne nettoie pas. Non, moi je parle de caca. T'as fait caca. Non, mais attention. Attendez, parce que j'aimerais aussi dire quelque chose. Attention à la goutte. La goutte a parfois mauvaise presse. Parfois, c'est tu tires la chasse et une goutte remonte. Il y a certaines chasses d'eau plus violentes que d'autres. Mais alors, quand c'est ça, nettoie la goutte. Je suis d'accord. Et ne laisse pas le doute dans l'esprit de l'autre. Oh, moi, je veux. Tu es rappeur là. Nettoie la goutte et ne laisse pas le doute. Excuse-moi, tu aimes si cela. J'ai un EP qui sort. Et c'est le titre La Gougoutte. Ce sera le premier single. La Gougoutte à Mehdi. Ce ne sera pas le titre, je te rassure. Ce ne sera pas le titre de l'épisode. Je te doute, c'est horrible. Je te file 50 balles pour que ce soit le titre. Je t'en file 100 pour que ce ne soit pas. Tu peux te faire beaucoup d'argent. Mais voilà, non, juste, moi quand je vois les toilettes, je veux qu'elles soient propres. Et parfois, c'est vrai que surtout en communauté, et parfois, je suis beaucoup parti en vacances avec des potes, des mecs quand on était plus jeunes. Et vraiment, il y avait parfois un truc de. C'était crado, tu vois. Les toilettes, c'était crado. Il y avait vraiment un laisser-aller total là-bas. Et ça. Ça m'énerve beaucoup en communauté. Mais je comprends. Toi, Nguyen, il y a des trucs que tu. En il communauté. A très bien ton prénom. Ouais. T'as vu ouais. Bah, j'ai corrigé. Enfin, pour moi, t'es sénégalais aujourd'hui. Pour moi, tu t'appelles. Pour moi, je l'étais déjà depuis 5 ans. Mais pour, pour moi, tu es Flaubert Ndiaye. Enfin, tu vois, voilà. Grammy 99, 99, ouais. Gagne ton Wahamboy. Ouais, pas encore, j'ai pas. Vas-y, fais-le. Fais-le. Fais l'accent là, fais-le. Non mais je suis pas acteur. Non mais en groupe il y a tout ça. Et d'ailleurs pour le coup, en revenant sur le Sénégal, c'est une des raisons pour lesquelles il y a plein de gens, parce que j'y vais tous les ans, il y a plein de gens qui me disent: ah, j'aimerais bien y aller avec toi. Je dis systématiquement, alors pas toi Mehdi, parce que moi j'aimerais bien y aller avec toi. Et tu me l'as proposé, à venir. Oui, ça c'est vient vrai. Toi. Non mais c'est ça, c'est ouais, ça. Oui, non, mais des gens à qui je l'ai proposé, voilà. Mais il y a des gens qui me disent ah, ça serait cool qu'on y aille ensemble. Non, ouais. Et je dis non. Pourquoi ? Parce que je sais qu'on va passer, tout le monde va passer un mauvais moment. C'est-à-dire que vous allez vous attendre à ce que je devienne guide touristique, à faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Bien sûr. Parce que je vais pas là-bas juste en vacances. C'est chez moi. J'ai pas un truc et tout. Donc c'est vrai. Et en fait, il y a des choses maintenant. Enfin, après, on est, je suis vieux. Donc j'ai une expérience de vie. Donc je sais qu'il y a des choses que j'ai pas envie de faire. Je sais qu'il y a des gens qui ont envie de faire ces trucs-là. Faut juste pas qu'on parte en vacances ensemble, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc voilà, exactement pareil que toi. Ce truc de dire ah, ça va être bien, et de vouloir faire 500 trucs, d'avoir des objectifs. Ah bon. Non, en fait, non. Arrêtez. Non, non, je suis d'accord. Pourquoi? Mais je me rends compte qu'une fois en vacances, j'ai été ce connard-là qui voulait faire plein de choses et qui cassait un peu les couilles aux gens. C'était ma première fois à New York. Ouais. On est parti à 5 et moi j'étais tellement excité d'être à New York, tu vois. Je comprends. Et donc je voulais un peu faire le New York, j'avoue, de tourisme, parce que c'était la première fois. Donc je voulais faire plein de choses, voir plein de quartiers. Et les autres, et je le comprends, qui étaient fatigués de leur semaine de boulot, etc., ils se réveillaient à 11h tous les jours, à midi. Et moi, avec le jet lag, en plus, j'étais réveillé à 6h du matin et j'étais, je crois, un peu insupportable. Parce que ça se réveille à 11h, ça va bruncher jusqu'à 14h. Ouais. J'ai l'impression que ma journée. Ah ouais, de découvrir New York, elle était foutue. Ouais. Tu vois, mais et donc mais j'étais qu'est-ce un qui peu t'empêchait relou. De. Bah, en fait, ouais. Le 2-3 premiers jours, c'était un peu. Bon, je les attends, etc. Et à la fin. Mais à la fin de la semaine, du coup, j'ai commencé à aller tout seul dans la ville. Mais c'est vrai qu'au début, je n'osais pas trop. Tu vois, tu vas se réveiller quand même. T'as pris tes marques, écoute. On va pas te reprocher de prendre tes marques. C'est vrai. Moi, avec ma compagne, ça a été un travail de plusieurs vacances. Okay. C'est-à-dire, on n'est pas les mêmes en vacances. Vacances. C'est-à-dire que moi, pour le coup, elle est très truc touristique. Je suis dans un autre pays, c'est pas pour rester à l'hôtel la moitié du temps, etc., etc. Alors que moi, je suis genre, profitons de l'hôtel pour être relax. Et comme ça, une fois qu'on est suffisamment relax. On peut aller faire un petit musée. Parce que ça y est, je suis relax, donc on peut y aller. Il arrive dans le musée, là, où je suis relax, là. Non, les gens du musée le disent. Attendez, il y a un mec ultra relax qui vient de rentrer. Non, mais voilà, et du coup, les deux font des efforts. C'est aussi ça, le couple. C'est que je me lève. Un pas vers toi. Un pas vers moi, mais bien sûr. Le compromis. Fais un pas vers toi, je fais un pas vers moi. Ouais, voilà. Est-ce que tu peux faire, toi, une semaine de vacances full au bord de la piscine, rien faire d'autre? Non. Non. Ok. Je suis un mec des deux. Je suis un mec de. Mais par contre, je déteste l'idée de mettre un réveil pendant les vacances. Ah, c'est un truc qui peut monter. Oui, mais il y a des. Oui, ouais, ça peut arriver si. Ma compagne, quand on était allé en Sicile, elle voulait aller. Putain, Vésuve ou Etna? Je suis un débile. Oh, qu'est-ce que je suis bête. Je sais plus. Le volcan qui est en Sicile. Vesna. Voilà, c'est ça. Il fallait se lever tôt pour y aller. Ouais, ouais, et voilà. Donc là, le truc de 5h du mat en vacances. Même pour un truc où il n'y a pas le choix, un événement où il n'y a pas le choix. Je l'ai fait. Oui. J'ai fait, mais c'était mais relou quoi. Oui, c'est relou. Pas un... Tu devais faire le Vésuve, il fallait se lever à 5h, du coup j'ai fait l'Etna parce qu'il n'y avait pas d'heure. C'est ça. Non, mais on peut parfois le jeu en vaut la chandelle, peut-être, tu vois, non? Non? Pas sur ce coup-là, mais oui. Non, okay, d'accord. C'est l'Etna, excusez-moi. Mais non, mais c'est vrai, parfois le les gens t'ont déjà envoyé des DM, c'est trop tard. Le temps que tu le dises. Ah, c'est l'Etna! Et vous avez jamais été en coloc? Si. Si, et en si, coloc, il n'y avait pas des petits trucs, et non. Non, parce qu'encore une fois, j'étais le relou, j'étais le crado qui rangeait pas, qui rangeait pas le salon, qui laissait de la vaisselle. Donc, moi j'ai kiffé, moi. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai fait deux colocs. Moi aussi, moi c'était vraiment plus, c'était une coloc de l'apocalypse. C'était, toi, je t'imagine pas être le relou, j'imagine être plutôt le maniaque, toi. Je suis pas du tout maniaque. Si, non, mais en tout cas, j'imagine pas être le maniaque, mais je t'imagine être plutôt le mec un peu plus raisonnable qui va à un moment se dire bon, les gars, là c'est crade, là il faut ranger. J'imagine que je me trompe. Voilà, c'est plutôt un peu comme ça, même si moi on avait un pote qui a vécu chez nous pendant un moment qui lui était maniaque et c'était trop bien parce que ça le rendait ouf et on rentrait, c'était incroyable. Un jour, je me rappelle, pardon, c'était juste un truc, mais c'est le seul gars qui a réaménagé notre appart. Pendant qu'on n'était pas là, il a réaménagé et il vient et il m'a fait l'article de tout ce qu'il a fait. Ouais. Et il revient et il arrive et il fait l'article et là il avait trouvé une table basse et là, il avait mis une table basse avec un truc, il fait regarde là ce que j'ai fait, t'aimes bien, je fais c'est quoi, coin lecture, et il avait laissé un bouquin, jamais personne n'a jamais lu bien du tout là-dedans. Évidemment. Mais c'était marrant et c'était cool. Moi je suis plus, en fait moi c'était plutôt le, moi je gueule pas après les... enfin je vais pas gueuler après quelqu'un qui fait pas un truc parce que je sais de toute façon je vais, si tu gueules, il va le faire. Ah non, mais. Et après, le truc, c'est que tu vas gueuler à chaque fois. Donc ça sert à rien. Donc souvent, si un truc, si je veux qu'il y ait un truc qui soit fait, je le fais. Ouais. Et puis voilà. Puis en fait, après. Rassure-moi, en gardant une colère nourrie au fond de toi, ou. Alors, parce voilà. Que moi, ça a été ça mon problème. C'est-à-dire ça que nourrit ensuite. Moi, jamais j'ai gueulé sur personne, voilà. Mais au fond de moi. Une bah, catastrophe. Ça t'a fait. Bah, c'est une névrose qui a nourri quand même une création artistique. Voilà. Qui a créé plusieurs œuvres. Voilà. L'examen moral, c'est. Ne parlez pas avec les gens avec qui vous êtes en conflit. Si vous voulez réussir. Bien sûr. Non, pas du tout. Mais c'est-à-dire qu'au contraire, on se parlait et tout. Tu fais, tu casses les. On se parlait, mais c'était pas un sujet de. C'était pas un sujet de discorde. Non, mais en plus, moi, je vais te dire un truc. Alors, on dirait que. Mais. J'aime plutôt jusqu'à la limite du respect, juste, mais moi ça me dérange pas de nettoyer, j'aime plutôt bien passer l'aspige, et vu que moi je fais pas de méditation, pas de trucs comme ça, j'y vois petits sas de méditation où je fais rien d'autre que écouter un podcast ou de la musique et faire un truc et me concentrer. Donc ça j'aimais bien, jusqu'au jour où moi dans une coloc j'avais des colocs qui faisaient des fêtes qui étaient, mais il y avait même un circassien, donc ça il y avait une ambiance très, il y avait plein de gens qui venaient. Non mais parce qu'il y avait beaucoup de gens. Non mais circassien pour donner une étendue du truc, il y avait même un circassien. Ouais. C'est pour ce que vous dire. Non mais pourquoi ça casse? Est-ce qu'on peut faire une liste avec les métiers les plus nuls? Où se passe ce circassien? En plus il était super, mais c'est juste que imagine qu'il crache du feu dans le salon, c'est ça le truc. Il faisait du machinois, donc il arrivait à se, enfin c'était assez dingue. Bah, c'est pour l'instant c'est raciste. Donc il fait le drap. Non, en fait il fait un peu. Ah c'est machinois vraiment, c'est ça? Oui. Ah d'accord. Comme un mât, et en fait tu fais des acrobaties autour d'un. Ah oui bien sûr. Comme du pole dance, mais sans le côté sexy quoi. Intéressant les mots qui ont l'air racistes et qui ne le sont pas. On peut juste parler de ça. Est-ce que vous avez déjà commandé dans un bar un Negroni? Ah oui, c'est un cocktail. Je trouve moi que à chaque jamais, fois, moi, à chaque fois que je vois des gens le faire, j'ai l'impression qu'ils chuchotent. Qu'est-ce que vous voulez? Un Negroni. Enfin, parce que je sais pas si on a le droit de le dire. Ouais, oui, on peut s'arrêter au milieu du mot. Un Negroni. Un word ni. Oui, j'ai. Et le serveur qui comprend pas. Un noir et demi. Tu veux ce con? Un noir et demi. Mais c'est de l'espagnol. Negro, ça veut dire noir en espagnol. Attention. Voilà, pardon. Et bah. Pour ma part avec ce colloque, donc pourquoi je disais ce qui est circassien, pardon, parce qu'on avait beaucoup de gens qui venaient à la maison, parce bien que sûr. Du coup il y avait plein de gens d'autres circassiens, exactement, d'ailleurs. Qui faisaient le tour de France pour faire leur art, tu vois, tout simplement. Bien sûr. Et un jour il y a énorme teuf, et le lendemain ils ont rangé. Mais on n'a pas le même niveau de le sol colle pour être tout à fait. Donc on est encore dans une ambiance. Ils ont balayé la merde des lions dans la pièce, quoi. Et donc le foin est sous le tapis, quoi. Et donc moi en plus j'ai un peu un truc nul d'ego de merde en disant moi je suis un super coloc, je vais tout nettoyer, vous êtes trop contents. Ah ouais, putain, c'est quand il y a pas eu de merci, il y a rien eu, c'est ça. C'est pire, c'est à dire que j'ouvre tout en grand. Ils ont dit attends, elle est où la piste de lion que j'avais laissée là? Wow, elle était là par terre. D'ailleurs vu que ça sentait un peu le renfermé, j'ouvre tout en grand, je nettoie, et donc c'est une coloc en fait, on était 4, donc c'était un plutôt grand appartement. C'est vrai. Hélas, en ouvrant tout, pendant que je passais l'aspi dans le salon, un mec est rentré dans ma chambre et a tout volé, tout simplement. Et donc du coup, j'étais très emmerdé parce que je leur en voulais d'avoir fait une teuf, parce que s'il avait pas fait de teuf, j'aurais pas rangé, mais en même temps c'est moi qui ai voulu ranger comme un pauvre con en disant hey, moi je suis super, hein. Et il m'a piqué un iPad, un Mac. Ah ouais. Ouais, c'était à Golden, hein, c'était on se connaissait déjà à l'époque. Tu es en train d'imaginer un circassien machiavélique, ramène le lion, fait le pisser partout. Non, parce que demain faut que ça nettoie, faut que ça daube. Faut qu'il ouvre tout. C'est la casa des papels. Oui, c'est ça. El circucio des, non, comment on dit? Comment on dit circo? Circo. El circo des papels, ouais, sûrement. Je rappelle, hein. espagnol. Pedro, Fincher, sans aucun problème. Enfin, je suis techniquement en train d'écrire un scénario en full espagnol, donc pour quand même que je regarde 2-3 trucs. Muy bien, muy bien. Savez-vous tu as... Adrien, ah, tu as le rôle en fait. Vraiment, j'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu. Savez-vous ce qu'est un snombie? Eh oui. C'est la suite d'une autre question. Alors, est-ce que c'est un snow zombie? Un zombie des neiges par exemple? Non, ce n'est pas un zombie. Ça a un rapport avec les zombies ou pas? Snow, avec les nazis. Les nazis des neiges. Ça a un rapport avec les zombies ou pas du tout? Est-ce que c'est un mélange de snow? Non, pas avec des vrais zombies, mais plutôt tu vois. Snombie. Mais ça a un rapport avec le mot zombie, bien sûr. Il y a un man qui a une théorie là. Non, j'ai bien aimé. Non, je pensais que c'était un mélange entre Snoopy et Bambi. Alors non, Snoopy et zombie, moi j'aurais dit peut-être Snoopy genre et zombie, sont matrixés par Snoopy, c'est des snoopy. Mais peut-être quoi. Un zombie de Bambi, je sais pas. Non, mais parce que Snoopy a un retour de hype fou. Ah ouais? Ouais, oui. Il y a plein de marques qui font des trucs Snoopy et tout, et puis plein de c'est gens. Peut-être juste qu'il est libre de droit. C'est peut-être ça aussi. J'en doute. Mais non, il y a c'est un gros. Snoopy, ouais, mais là, c'est très. Il y a un retour de hype de Snoopy, et un peu des Peanuts en général, mais surtout Snoopy, le petit chien, très mignon. Non, mais voilà. J'ai jamais tombé dans Snoopy, moi. Ça me. Ouais, moi non plus. Ouais, je suis passé à côté. Mais moi, je me suis. Mais je crois que j'en parlais, c'était dans le podcast, mais genre, je me suis rendu compte récemment, en fait, que Snoop Dogg, ça devait être en lien avec Snoopy. Oui, bien sûr. Mais en fait, je ne l'avais jamais conscientisé. Alors qu'évidemment, par rapport au chien, etc. Mais je me suis rendu compte de ça, genre il y a 10 jours. Qu'en fait, Snoop Dogg, c'était fatalement une rêve. Mais comme Snoopy, c'est tellement pas présent dans ma culture à moi, et ben effectivement, je l'ai compris tardivement. Voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui vont s'en rendre compte. J'aurais tellement aimé que tu te rendes compte de ça face à Snoop Dogg. Ouais, dans une. Eh, mais attends, tu sais que je devais l'interviewer. Non, pour l'album avec Dr. Dre qu'il a sorti là en décembre, que tout le monde a oublié, qui était catastrophique. Ouais. Mais j'ai vraiment un mail avec un accord du label qui dit c'est bon, Snoop, enfin l'équipe de Snoop a dit oui pour l'interview avec Mehdi Maizi, on fera ça ce week-end, etc. En visio, c'était en visio. Ah. Et je n'ai jamais eu de retour. Et donc ça n'a jamais eu lieu. Mais il y a eu un moment où j'ai cru, il y a eu une semaine où j'ai cru que ma semaine se conclurait pour l'interview de Snoop Dogg. Je me rappelle, parce qu'on en avait même parlé pour un format à nous. On refera une et ce sera en face à face, sera beaucoup mieux. J'espère. Parce qu'en visio, ça aurait été une demi. Sauf que s'il vient en France, il le fera à Guillaume Play, tu le sais pertinemment. Et ça fera plus de vues. Il aura raison en fait. Non. Il aura entièrement raison. Je veux pas le croire, je veux pas le croire. Snoopy. Alors t'as déjà tué des gens? Ah, ça c'est dingue ça. Ça c'est le rap ça. Et donc ça vient de Snoopy alors? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est pas intéressant. Ça vient pas de Snoopy en fait. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est génial. Et donc tu fumes la drogue? Et tu sais que c'est mal quoi, c'est pas un truc qui te. Snombie. Alors, quand je vous disais, c'est, ça a à voir avec zombie, donc c'est pas. C'est, vous voyez comment il est zombie. Est-ce que c'est un zombie qui avance un peu lentement? Est-ce que c'est un zombie qui, comme toi, n'aime pas les réveils et appuie toujours sur snooze? Non, ça n'a rien à voir. Joli, joli. Ça n'a rien à voir. Non, mais joli. Par contre, attention, j'adore les réveils. J'aime pas en vacances. Je parle en vacances. Non, mais je préfère le. Parce que là, je vois que ça part. Oui, oui. Attention. Est-ce que ça. Pas de réveil bashing. Non. J'ai un radio réveil, Mehdi, tel que tu me vois. Ah, super. J'ai acheté pour plus avoir le téléphone. Et tu mets quoi? Qu'est-ce qui te réveille? C'est de la musique ou la radio? Quelle radio? Je reprends. Alors, moi, je mets WFM. Parce que j'aime la radio rock. C'est ma culture, putain. C'est ma culture. C'est moi, c'est mon rocker, ça. Attends. J'ai un perfecto sur le dos, là, tel que vous voyez. Non, c'est. Parce que pourquoi? Parce que la sonnerie du téléphone faisant tout le temps la même, il y avait une facilité à la snoozer justement. Et en fait, la radio, le fait que ce soit jamais la même chose, me fait un truc dans t'es le cerveau. T'es en alerte, t'es genre, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Et donc, je me réveille beaucoup plus facilement. Est-ce que t'as besoin d'un réveil au quotidien, même en fait, le fait d'être papa, etc.? Mais ma fille se réveille après l'heure de l'école. Je suis obligé de la réveiller. Moi, je réveille ma fille le matin. Bah, t'as une vie géniale, toi. Bah ouais, t'as tout réussi dans ta putain de vie. T'as du Pepsi Max en. Ah putain, tu envoies là. Ta fille n'est jamais allée à l'école. Et ça te pose pas de problème. Qu'un souci. Elle s'est pas réveillée, je leur dis. Mais c'est vrai que t'es addict au soda, toi également. Ouais. T'es addict à la coke. Ouais, aussi, oui. Ouais. Parce que Guillaume Play voulait te le demander. Je fais le premier. Tu me pas. Je me prépare pour mon légende. Et là, je vais dénoncer. Et là, tu vas y aller. Voilà, je préfère vous dire. Il va y avoir des shorts. Non. On est dans la même team, une petite addiction au soda. Oui, tout à fait. Tu m'as posé la question hors antenne si j'en buvais plus. Qu'il y a deux jours dans l'année. Et évidemment. Ouais. Toi aussi. Mais c'est terrifiant parce de parce dire. Parce que c'est un intervieweur, il a la formule, le mec. Mais oui, évidemment. C'est bon, t'en bois plusieurs par jour. Non. Mais c'est comme ça que je gagne ma vie. Ah ouais, bien sûr. Mais la semaine dernière, j'ai eu un. Et je te souhaite pas que ça t'arrive. J'ai découvert que j'étais vraiment dépendant. Pas, alors je le savais, hein, que j'en bois tout le temps. Je suis allé chez des amis Audrey Pirot, pour ne pas la citer. Je la cite quand même. Bah ouais, citer, on la salue pas, par ailleurs. Et on la salue par ailleurs. Et ils ont pas de soda chez eux, tu vois. Ouais. Et bon, je m'en fous. Je peux dans ma tête, je me dis, bon, bah, j'aime bien le coca, mais ça va, tranquille, je peux boire de l'eau. Il a été hospitalisé. Le lendemain, un mal de crâne qui ne part pas au Doliprane, la vie de ma mère. Parce qu'il n'y avait pas de coca dans de soda. Et donc, moi, je me dis, que c'est pas, je ne pense même pas que ça peut être ça à ce moment-là. Ouais, c'est la caféine, en vrai, je pense. Et en gros, ma meuf me dit, mais je pense que t'es en manque de caféine. Et je fais, ouais, ça va, tranquille, quand même, je suis pas à ce point-là. Ah non, non, on rentre, vraiment, je suis pas bien, je peux même pas conduire la bagnole, je suis vraiment dans un état de pas bien, de mal de crâne qui ne part pas au Doliprane. Je vais à une aire d'autoroute, je prends un coca, ça part en 10 minutes. Donc un vrai truc comme les drogués dans Requiem for a Dream. La caféine après ça. Mais je savais pas que c'était à ce point là. T'es un snobie. Mais voilà. Mais donc c'est un vrai truc quoi, c'est fou, ça m'a glacé le sang vraiment. C'est la caféine, le sucre. Apparemment c'est la caféine. C'est vraiment la caféine. Du zéro, donc il y a pas de sucre. C'est ça, il y a pas de sucre. Mais apparemment c'est la caféine quand t'en bois, quand t'en prends beaucoup sur toi, quand tu l'enlèves total, ça te vraiment ça te fout. Donc je le dis aux gens, faut réduire. Tu peux réduire, mais faut pas arrêter net. Apparemment ça te fout mal à la gueule quoi. Qui le sont les zombies? est-ce que c'est pour définir des gens, une partie de la population, des gens réels? C'est dans la vraie vie, oui. C'est Ah bah lui, alors, mon cousin, c'est un zombie. Il est D'accord. C'est pas une variante de zombie. Non. C'est pas un zombie qui est sous drogue ou j'en sais rien. C'est un truc qui touche une partie de la population, des gens qui. Ah oui, ok. Et c'est un mot valise et il faut qu'on trouve le sneu. On parlait un peu d'addiction. On est autour de ça, tu vois. On est d'accord que il faut trouver le mot qui commence par sneu et on va trouver. Par alors bizarrement par. S, le, je sais pas pourquoi il y a un N. Ah, c'est comme mon prénom en fait. Ah putain, c'est Smombi, pardon, pas Snombi, excusez-moi. Mais oui, Smombie. Excusez-moi, j'ai mal lu. Et donc c'est SME. C'est SME. Smash Bros. Non, le jeu. Mais SMA quelque chose. SMA. Mais c'est un mot français des ou SMAIN. Plutôt américain. C'est des fans de SMAIN qui sont matrixés. Les 5 derniers fans. Je suis un Smombi, moi. C'est le nom du fan club. Moi, je suis un Smombi. Ce sera le titre de l'épisode. Des Smurfs? Pas les Smurfs, non, c'est vraiment Smart. Ce serait vraiment très nul d'avoir. Smack, Smart. Pas les Smacks. Smarties. La voiture Smart, oui. La voiture ça smart. Commence par Smart. Les Smarties bah. Smartphone, bien les sûr. Les Smartphones Plus précisément, ce sont les gens qui marchent dans la rue sans lever les yeux de leur téléphone et qui ont cette capacité à avancer sans se prendre dans des gens. À emmerder les gens, moi, je trouve. Parce qu'en fait, t'es là, ils te regardent pas. Ah oui, bah oui, non, attention. Il y a une vision périphérique, tu peux. Excusez-moi, ça, toi. Ça m'arrive. Tu marches jamais en regardant ton téléphone, toi. Moi, j'ai pas besoin de mon téléphone. Non, il marche en lisant un livre. T'es arrivé tout à l'heure, t'étais en train d'envoyer un vocal. C'est vrai. Ils n'arrivent pas à avancer sans se prendre des gens. Les gens qui ne sont pas des smombies les évitent. Le monde se divise vraiment en deux catégories. J'évite. Après, je suis un zèbre en plus. Non, mais c'est vrai que souvent, je suis un smombie, moi. Tu vois des gens qui sont effectivement sur leur téléphone et qui s'en foutent de ce qu'il y a en face d'eux. Ils sont tout droits. Ça me rend fou. C'est parfois insupportable quand t'es là. Bref, mais ça me. Je les déteste. Ça pour le coup, ça me rend ouf. Ouais. Et c'est surtout maintenant que depuis quelques mois, je fais beaucoup plus de vélo. Ah bah. Voir des gens. Grâce à qui? Grâce à qui? Grâce à Mehdi Maizy. Dans le vélo. J'ai quand même électrique. Attention, hein. On va pas transpirer non plus. Attention. On m'a volé ma batterie. J'ai sauvé au moins deux pandas. Il y a deux pandas qui sont là qui disent merci. Et on t'a volé ta batterie? Oui, j'étais très énervé. Les deux, là, vous êtes des sacrées victimes. Entre l'autre qui se fait voler son appart et l'autre sa batterie. C'est un cirque à les gars. Non, mais il parlait de mon. À l'époque, dans ma. Oui, à Saint-Denis. Ah oui, pardon, j'avais. Ça a commencé. Non, mais. Il est dans le futur. Il est dans le futur. Non, mais la rêve, t'as bien. Évidemment, évidemment. À Finky. Ça tourne, ça tourne. C'est un très grand moment de télévision, ça. On est d'accord. Pour moi, un des plus grands. J'y repense chaque jour. C'est mon empire romain. Clairement. Vraiment. Et surtout que, sans vouloir me jeter des fleurs, ça commence à. L'expression ça a commencé se répand. J'en ai parlé dans le podcast que c'était un de mes moments préférés et je le vois dans des lives, dans des trucs, des gens qui ont commencé. Non, tu parlais de la littération de Patrick Beau. Aïe, aïe, aïe. Non, Pascal pas du tout. Pascal Pro. Qui est le jumeau maléfique de Patrick Beau, c'est Pascal Pro. Où on l'aime un peu bien, c'est juste là, quand il est. Perdu face à un invité. Oui, c'est vrai. Moi j'aime bien. Il est un peu genre. Mais quoi, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Fingercroft. Il en a plusieurs. Il en a eu plusieurs. Il y a le mec aussi qui. Mais qu'est-ce que vous faites? Tu prends la photo là. Prends des photos. Oui. Il y a Jean-Claude Bourré. Perdu, il nous. Jean-Claude Bourré qui prenait les photos puis fait. Mais enfin, Donc Claude, qu'est-ce que vous faites? Faites des photos. Je ne pas quel point pour le... Quelle carrière quand même. Après, bon, voilà. Après, oui. Voilà. Il y a d'autres choses qui contrebalancent. Des choses qui contrebalancent. Ça part très vite. Mais bien, je disais, je suis en vélo et ça me rend ouf les gens en vélo qui sont sur leur portable, ah, oui, qui laissent des vocaux. Ah, qui font... ça me rend fou. Ouf. C'est fou. Il y en a vraiment beaucoup. Mais là, ouais, là, on est sur que. Sur bah, des de la gens... délinquance. Non, non, mais on est sur des gens. Ça fait partie de cette catégorie de gens. Quand ils meurent, tu dis. Oui, bah oui. Pas si grave. Comme les, ouais, gens qui sautent en haut des grues. Qui se... Ah oui, oui. Quand ils tombent, tu fais oui, bah. Oui, bah après, voilà. Tu l'as cherché. Il s'est accroché aux grues. Oui, ouais. Il est mort comment? En tombant d'une grue. Oui, bon, bah voilà. Là, il est mort, il fait du. Personne n'est surpris. C'est triste, hein, attention. C'est très on triste. A pas dit le contraire. Mais après, je tombe pas de ma chaise non plus. tu regardes ton téléphone à vélo. Déjà, juste faire du vélo à Paris, déjà, c'est déjà un énorme danger. Ouais, ouais. Voilà. Donc l'enquête révèle. Je souhaite la mort de personne. Bien sûr. À part, mais on sera juste pas surpris. Après, on peut se réjouir parfois. Je sens que c'est ton d'ailleurs, combat. D'ailleurs, je tenais à dire. Je sais qu'on attend de moi que je me réjouisse publiquement de la condamnation de Marine, oui, Le Pen. Oui, parce que. Et oui. Ouais, parce qu'il a une obsession pour contre le racisme, Adrien. Donc c'est ça, c'est une vraie obsession. C'était un commentaire. Non, mais j'ai écouté le podcast effectivement avec Pierre Lapin dans lequel tu fais ce running gag après la mort de Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, c'est dans ce podcast-là, je me suis rendu compte à quel point Pierre Lapin était hilarant. Parce que j'aime beaucoup son travail, je suis depuis longtemps, mais je m'étais pas rendu compte à quel point il était. Mais super, oui, très drôle, mais bien sûr. Et c'est dans cet épisode là que je me suis rendu compte qu'il était il est très marrant, il est, voilà, il mais est effectivement ça m'a beaucoup fait rire, c'est ce running gag sur la mort du borgne. Alors laisse mon bille, une enquête révèle que 65% des piétons consultent leur smartphone en marchant ou en traversant la rue. 65%. Okay. Et il y a Hubert Béroche qui a personne écrit un n'a bouquin. Dit le même chiffre, c'est magnifique. 65%, et selon Hubert Béroche qui a écrit un livre qui s'appelle Smombi, la ville à l'épreuve des écrans, il constate que les villes s'adaptent à cette réalité devenue banale. À Séoul, par exemple, pour lutter contre les accidents, il y a des sortes de feux rouges qui ont été installés au sol pour indiquer aux gens qui ont beaucoup les yeux sur leur téléphone quand ils peuvent traverser ou non sans avoir à lever les yeux. Et dans une commune de 32 millions d'habitants en Chine qui s'appelle Chongqing, c'est une voie piétonne. Non, c'est qui un rappeur, Soul King, ça. Mais c'est lui, il a créé ça en Chine. C'est une voie piétonne qui est dédiée comme les vélos. C'est-à-dire qu'il y a une voie pour les gens qui ne lèvent pas les yeux de leur téléphone pour pas avoir à se prendre des gens. Ça, c'est terrible. Voilà. L'évolution de ce monde. Ah hein. Du perfourage. Pourquoi pas. Donc j'avais une question pour savoir si vous êtes artiste. Vous avez déjà plus ou moins répondu. Vous faites oui, partie. Mais ça arrive de regarder. Non, ça arrive. Oui. Ça arrive. Mais j'essaye de pas le faire. Ouais, voilà, c'est ça. Après, ça m'énerve tellement fort quand je le vois, mais ça peut arriver. Je suis très fort pour quand même avoir une petite vision périphérique. Ouais. C'est un peu ton skills caché. On l'appelle l'iguane. C'est un iguane, bien sûr. Ouais, ouais. La SNCF a dévoilé les nouvelles rames de TGV qui arriveront en 2026. À votre avis, quelles sont les nouveautés de ce nouveau TGV? Déjà, j'aime bien parce que j'adore le train. Donc ça m'excite. Oui, oui, moi, et t'adores la nouveauté. Et c'est vrai. J'aime bien, alors que c'est souvent pas bon, mais la bouffe du train. C'est-à-dire qu'en fait, je tu préfère... es la seule personne. Non, bah, je préfère. C'est-à-dire que tu vois, baissez vos doigts là, les trois là. On est trois, on levait le doigt vers train. C'est toi qui es seul. Sale enfoiré. Non, je le dis, je le dis. À ma décharge, il n'y a rien pour moi à bouffer. C'est vrai. Il y a des nouvelles petites compotées qui sont très bonnes. Franchement, je ne laisserai pas dire ça en fait. Ce sont des fake news que vous essayez de propager. Donnez-moi votre source en fait. Entre acheter quelque chose. Donnez-moi la source de la compotée. Tu vois, je préfère ça qu'entre acheter un truc avant le voyage, ouais, qui serait sûrement meilleur parce que chez Paul ils ont des bons sandwichs, des bonnes salades. Le sac à papier à la merde là, non, il nous agace. Merci. À la grosse valise, merci. T'as pas envie du sac à papier. Et puis tu vas prendre un soyez soda qui sera pas vraiment fait. Frais pour attendre de se réchauffer le temps que t'arrives. Alors que là tu vas au petit bar, le moment où tu fais la queue, où je regarde ce que je vais prendre, c'est rarement bon, je suis d'accord, mais il y a un petit plaisir, une satisfaction dans le fait de choisir la bouffe du train. Je l'ai beaucoup fait quand on avait les mosses parties et tout. Et personne n'allait m'enlever ce plaisir là en fait. Non mais alors là et voilà. Sûrement pas toi Adrien. Alors là jamais de la vie. Par contre moi je non je mais c'est vrai que toi t'as peu de choses pour toi, c'est mais vrai. Le sandwich vegan de chez Prêt à manger. Ah délicieux, oui, délicieux, voilà, délicieux. Délicieux. Prêt à manger. Non, je me permets de mettre un peu d'eau dans mon vin parce que je suis plutôt tentatif, mais quand même la file d'attente des wagons bars sont très mal branlés. Il faut bien choisir. Il y a des gens qui choisir passent, le moment. T'es un petit peu arc-bouté, c'est mal foutu. Toujours, depuis longtemps qu'il y a des trains, personne ne sait dans quel sens c'est. Oui, voilà. Il faut y aller soit au tout début, soit il faut vraiment attendre et y aller un peu avant la fin, tu vois. D'accord. Mais effectivement, y aller à l'heure de pointe, évidemment, c'est une et des fois, mauvais choix. Et moi, ça me rend toujours un peu triste quand ce ou cette barista nous dit, bah, en ce moment, on n'a pas d'attente, ouais, n'hésitez pas à venir. Ah, et oui, tout, y a des trucs un peu tristes. Oui, c'est vrai. Bah, venez, je vais hein, me foutre là, en l'air. Là, il y a zéro minute d'attente. Des fois, c'est un mec qui est pas du tout barista qui dit, bah, venez, là, je suis tout seul au wagon bar. Je bosse pas pour la SNCF. J'ai juste besoin de parler. Un peu de chaleur, un peu de compagnie. Je vous paye. Je vous paye un sandwich. Ah, bonne question. Imagine, tu payes deux fois moins cher le billet de train, mais t'es obligé de parler un peu à un gars pendant la moitié du trajet. Ah non, non, non, non, non. Ah, je veux pas. Deux fois moins cher. Ok, c'est gratuit, c'est gratuit. Waouh, attends. Voyage attends. Gratuit en train. Mais pendant la moitié du trajet, il y a un gars qui te parle un peu, qui est pas du tout, qui est pas horrible. Juste, t'es un peu obligé de lui parler, quoi. Vous avez pas créé une grande mais amitié après ça. Est-ce qu'il y a une chance que ce soit intéressant ou pas? Non, ah, attends, c'est la roulette russe. Ça dépend. Ah ouais, non, d'accord. C'est la roulette russe. On est obligé de lui parler ou on est obligé de l'écouter? Ah. C'est une conversation. Ouais, parce que, ouais, non, mais parce c'est que ça pourrait y avoir ce truc du. Tu peux pas être en monologue. C'est moitié moins cher si vous conversez et c'est gratuit si par contre tu fermes ta gueule mais tu l'écoutes. Ça peut être plus dur de converser que de l'écouter ah bah ouais, parler. Totalement, moi je préfère moi, écouter. Moi je peux avoir du mal à rebondir sur un surtout gars. Surtout que quand je peux même. Avoir une petite oreillette côté caché où il me voit pas. Oh, et en fait, je pas. Sais, ça commence à tricher. Bah quoi, et ça alors je fraude ouais, déjà, système là. En plus, il y a du dopage technologique. Moi je refuse en tout cas. Ouais, on est parce d'accord. Que justement, en plus, un trajet, je pense que c'est vraiment pour le coup un moment où je suis seul, ce qui est rare, tu vois. Donc non, non, non, j'écoute de la musique où je veux pas parler à un inconnu. J'entends. Vraiment pas. Non, j'entends. Après, moi je trouve qu'il y a des moments où tu peux entendre. Sur 15-20 minutes, tu peux rencontrer des gens qui disent des qui te disent mais là, le trajet il est plus long que ça. Ouais. Non mais sur 15-20 minutes, après t'as envie de te défenestrer, mais c'est peut-être là où tu lui fais. Je crois qu'il y a 0 minute d'attente au bar. Écoutez ouais. L'annonce. Regarde, regarde, regarde. Hop. Et là, t'intègres un troisième. Tu vois bien ce que sûr. Je veux dire. Et là, hop, tu peux le tu fais une technique où tu livres le colis à quelqu'un d'autre. Et là, tu lui dis, ça oui. Sera décompté de ton billet. T'inquiète. Mais tu mets le doigt sur quelque chose, Garen. C'est que moi, j'aime de plus en plus les petite conversation très courte avec les inconnus. Ouais. C'est-à-dire que des fois, il y a un ça petit échange vrai. De 5 minutes dans une file d'attente. Alors attention, je parle pas de la file d'attente où les gens parlent fort, pour gueule fort, pour avoir de la connivence dans la haine ah non, de la ça. Personne qui fait attendre, on les connaît. Je parle ça, plus pour de... moi, il devrait y avoir un bouton et ouais. La personne sort au prochain arrêt. Je suis d'accord. Paye plus cher. D'accord. Ouais, non, paye plus cher, pas mieux. Okay, voilà. Mais le petit échange comme ça, là, j'ai fait une petite blague de tonton récemment qui m'a régalé, par exemple, qui est sorti sans faire exprès. J'étais à Citadium, voilà. On me demande ma carte de fidélité, je l'ai pas, donc il me dit bah, je vais prendre votre nom. Je dis ben Bernard, comme le prénom. Et votre prénom, je dis Florent, comme le prénom aussi. Oh le con! Oh, les barres de rire qu'il a dû se taper, oh là là. Mec. Bah, il y a eu un petit sourire, il y a eu un petit échange. Un c'était pas dingue, mais j'ai, ça m'a fait ouais. Du bien. Non, mais je comprends, mais moi, le small talk, comme je suis. Je suis toujours pas très fort, mais j'ai vraiment été nul la plus grande partie de ma vie. Ouais. Quand maintenant j'ai des moments où, comme ça, tu as une petite conversation, un échange dans un ascenseur et tout, où je suis juste bon, ça, je suis refait. Quoi. Ah c'est ça, ouais, ça te fait du bien. Mais parce que le small talk en soirée, il est dur. Parce trouver que la répartie. En fait, le truc, c'est autant trouver une répartie dans un floodcast, ça va, mais. Trouver une répartie sur un truc comme ça de quelqu'un que tu connais pas, t'es un peu pris au dépourvu, puis en vrai, on sait pas ce qu'on t'a dit, un truc vraiment à chier, quoi, qui est pas intéressant, oui. Et de trouver le bon truc, la petite vanne, ah oui, et bah blablabla, et la personne, elle fait, ah ah oui, c'est vrai, je suis au summum. Ouais. Au summum, encore mieux. Non, mais j'ai dit que j'allais faire des références au rap français, il y en aura. Il en a fait mille, il a pas menti. En revanche, peut-être que je serais prêt à vraiment pour le coup tu accepter es. Si ah c'est peut-être même aussi, mais ça c'est un autre épisode, le Dark Floodcast qu'on pourra faire. Non, je suis prêt à le faire si j'ai le droit de. Je suis obligé d'écouter la conversation de deux personnes qui s'engueulent. Ça j'adore. T'aimes bien? Ah, ça t'adore ça? Ah, mais ça je peux le faire gratuit ça. Ah, oui, c'est ça. Ah, oui. Ça, c'est bien. Non, moi, je déteste. Vous avez déjà coupé vos écouteurs? Absolument. Moi, parmi les meilleurs moments de ma vie. Peut-être pas. Ça devient triste là. Peut-être pas. Attends, je me suis rendu compte que là, tout à coup, je me mettais dans le mal. Non, parmi des. Je me rappelle de bons moments dans le bus, notamment dans le train, dans le truc, où j'entendais des trucs. Je me disais, mais faites en sorte qu'ils ne descendent pas, s'il vous plaît. Continuez cette conversation. Moi, pas du tout, moi. Oh la vh. Ah, t'as pas une façon un peu morbide pour les gens qui se gueulent dessus? Je me rappelle de deux gars qui se parlaient de comment draguer. dans le bus 27, ouais. entre la rue de Patay, en plus ils sont allés jusqu'à Saint-Lazare. Moi je descendais pas à Saint-Lazare, je suis allé quand même. Une chanson de Delerme là qui est en train de s'écrire là pour moi. Et c'était formidable. Et le mec expliquait comment essayer de quand même pécho une meuf tout en lui disant qu'on aimait les Warhammer. Oh là là. Mission c'était, impossible pour c'était moi. Adrien et moi dans le monde. Mettez-vous côte à côte. Non, moi j'ai vraiment une aversion pour les gens qui respectent pas. Ouais. Moi là dans le métro ce matin, il y avait deux meufs qui parlaient de leur formation professionnelle et tout. Alors après j'ai bifurqué vers ça, mais c'est pas normal que je t'entende. Non, le métro est bruyant déjà. Le métro. Oui, est bruyant, oui, ouais. c'est pas. T'as pas d'écouteurs, non? J'en avais. Dis-toi. Okay. C'est ça qui est terrible. Oui, t'entends quand même des bribes de. Oui, j'ai fait une formation d'alternance, mais arrête. Pareil, un bouton et il y a quelqu'un qui vient qui fait vous descendez. C'est quelqu'un pour être toi peut-être à la limite. Je me suis fait greffer un petit bouton sur le corps, j'appuie dessus. Et... Alors, une dose d'adrénaline qui est hop là, que je suis un lâche. Oh d'ailleurs, j'écoutais le Mousecast où tu étais invité, hein, et vous parliez des films où des mecs normaux pètent des gueules à des gens et que vous disiez que souvent justement c'est dommage que c'est des anciens agents secrets. Nobody notamment. Sachez que je suis allé voir Novocaine récemment, qui est un film d'action avec le fils de Dennis Quaid, Jake Quaid, je sais plus comment il s'appelle. C'est ça. Et ben c'est un peu ce dire là, donc j'ai pensé à vous. Ok. C'est-à-dire que alors. Le film est pas un chef-d'œuvre, hein, mais il y a ce truc de c'est vraiment un mec qui sait pas se battre et en fait là, c'est un gars qui a la maladie de il sent pas la douleur. Ah. Et donc au début, donc c'est pour ça que le film a un nom de médicament. Voilà, tu vois. Oui, non, il a un petit truc, mais et lui, voilà c'est toujours un truc. Nous on veut un mec avec une bedaine. Voilà. Nous on veut Victor Lanoux qui pète la gueule. Victor Lanoux Prime, hein. Victor Lanoux Prime. Louis la brocante. Voilà, de Louis la brocante qui pète la gueule à des GI, tu vois. C'est ça qu'on veut voir. Exactement. Mais et quand chie et qui s'en prend plein et qui s'en prend des tendinites et qui se relève. Et il la sent la douleur lui. Et voilà. Mais il y avait un film un mais peu. Je vais le faire. Il y avait un film un peu comme ça. Après le Last Matador là. J'avais vu ado, donc en fait peut-être que c'est un film très problématique, mais il y avait un film qui s'appelait God Bless America, où c'était un mec à qui on a annoncé un cancer avec définitif. Avec le frère de Bill Murray. Exactement. On lui annonce qu'il va mourir dans 2 mois et il décide de plus jamais se laisser emmerder par tous les gens qui le font chier. C'est genre Larry David, s'il avait plus rien à foutre. S'il avait un fusil à pompe. Voilà, c'est ça. Et donc il va au cinéma et il y a des gens qui parlent et donc du coup il sort un flingue, il les bute, etc., etc. Un truc qui était arrivé dans la vraie vie et bon, c'était tragique, mais en même temps, je comprenais les motivations. Il y avait un mec qui avait, il était au cinéma, c'était il y a quelques années. Hein, mais il y a deux meufs qui parlaient de leur formation. Non, mais il y avait des gens qui parlaient fort dans le cinéma. Il y avait pas de petit bouton sous la main. C'était évidemment aux États-Unis, et je pense qu'il leur avait fait une remarque. Il m'avait dit, il avait continué à parler, le mec s'était retourné, il avait tiré sur les gens. Ouais. Tragique, horrible. Mais un petit fond de. C'est vrai que quand t'es pas dans la salle de cinéma, c'est un peu marrant. C'est ça. Je m'en réjouis pas, mais évidemment, je comprends les motivations. Évidemment. Mais sachant que parler maintenant. Enfin, parfois, c'est le moins pire. Moi, récemment, j'ai eu quand même la story, quoi. Quelqu'un qui filme une story dans le cinéma. Ah non, mais en parlant? Ou genre juste. Non, juste en filmant, mais voilà, t'as un écran qui se lève au milieu de la salle. Ça, c'est particulier, quoi. Et ben, justement. Je crois que c'est que aux États-Unis, mais il y a des c'est de la pure délation que voilà, mais il y a des cinémas qui existent où t'as un boîtier pour signaler les gens. Ouais, et genre s'il y a suffisamment de personnes qui votent contre quelqu'un, donc il y a vraiment un mec qui arrive et qui le sort. Ton rêve en fait. Bon, mon rêve non, parce que je suis quand même pas un fasciste. Oui, mais ça tu vois. Pour le moment. Devant le micro. Non, mais bon. Non, mais ça c'est compliqué parce qu'on n'est pas tous pareils face aux incivilités du cinéma. Par exemple, il y a des gens qui détestent le bruit des gens qui mâchent du popcorn. Moi, il ne me dérange pas. Je trouve qu'il fait partie de l'ambiance. Le cinéma, c'est vendre du popcorn. SL, il le tient. Non, non le tient, pas du tout. Si tu le fais pas mal, hein. Il le fait. Faut arrêter. Tu le fais pas mal. Vous me flattez en fait. Ouais. Moi, j'ai interviewé Vincent Cassel et là, c'était à s'y méprendre. Ouais, je te le dis comme je le pense. Non, mais tu vois, toi, je pensais que c'était Vincent Elbaz. Vincent Elbaz, je suis pas impressionné. C'était Victor Lanoux, mais après, je l'ai vraiment raté. Mais Vincent Elbaz de The Crow 3, donc pas n'importe lequel. Non, moi, au cinéma, franchement, ce qui va me déranger, c'est. Non, une fois. Parce qu'en fait, moi, si je vais au cinéma, c'est justement pour. Il y a un truc collectif, donc ça me dérange pas. À part évidemment si quelqu'un se lève ou crie, ou tu vois, une fois j'ai invité à un avant-première d'un mauvais Marvel, ou d'un mauvais DC, pardon, celui avec The Rock. Oui, Black Adam. Black Adam. C'est Marvel ou DC, c'est ça DC. C'est DC. Bon, et pas le meilleur. Ouais, non. Bah non. Et là, il y a quand même, tu sais, ce truc que souvent les gens ont avec les fans de super-héros, etc. C'est waouh, c'est quand t'as un personnage qui arrive. Et je crois qu'à la fin, t'avais une scène cachée. Il y avait Superman. Avec Superman, ouais, c'est ça. Et alors là, waouh, bon. Mais ce qui me dérange le plus, et ça m'est arrivé une fois, pour la première fois que j'ai vu Drive au cinéma, j'ai un souvenir terrible de ce film, en tout cas du premier visionnage. C'est quelqu'un à côté de moi pué. Ah, mais oui. Vraiment. Et oui. Une horreur, ce et type. Oui. Et, oui. Et en fait, et vraiment pendant tout le film, j'étais avec mon meilleur ami qui lui a adoré Drive, etc. Et donc j'ai détesté pas le film mais le moment, et je l'ai revu, je crois, 3-4 ans après, et j'avais vraiment kiffé, tu vois. Ah, vraiment. Ouais. T'as un souvenir comme ça de mauvaise séance de cinéma? Ouais, moi j'ai un souvenir relativement récent, c'était au moment de la sortie de Barbie. Ouais. Alors j'étais aux États-Unis aussi. J'étais aux États-Unis. Toi, t'es un carré, toi. Je suis américain, je suis de la East Coast. je suis un mec de la côte Est. Et donc, je suis allé voir Barbie et. J'ai vu, aller au cinéma aux États-Unis, c'est un délire. Bien sûr. Et Barbie, des gens étaient déguisés. Mmh. Ah oui, oui. Ça m'a tendu énormément. J'ai dit, arrêtez de faire ça. En Barbie, genre? Oui, oui, en rose. Enfin, tu vois, les gens venaient, les gens venaient, il y avait tout un truc. Il est agacé. Non, déjà, qui s'amuse, les gens? Si ça s'amuse, c'est pas. Tant que j'ai mon bouton, je sais. Ce que tu vas dire après va sans doute m'énerver. Voilà. Et après, c'est surtout que j'ai été surpris parce qu'il y a une meuf qui est arrivée juste au moment, au début du film. En cherchant un peu, elle s'est assise sur un endroit. Et après, en fait, il y a 5 personnes qui l'ont rejoint à 5 moments de plus en plus tard dans le film. Il a fallu se décaler. En la cherchant, il s'est dit, je suis là. C'était déjà, j'ai vu pas passer le meilleur moment de ma vie en regardant Barbie. Et ouais. En plus de ça, c'est-à-dire que là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi vous êtes venu? Oui. Il reste 12 minutes de film. Mais c'est un vrai truc aussi, c'est que parfois des gens vont au cinéma parce qu'ils se font chier et ils ont pas ce kiff de la salle. Il y a des gens qui vont au cinéma pour parler avec leurs potes. Ça, c'est terrible. En plus, voilà, aux États-Unis, ça coûte $25. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment très cher. Ouais. J'ai une question. Est-ce que vous avez déjà vu un film au cinéma en France et vous l'avez revu au cinéma aux États-Unis? Non. Parce que moi, oui, Little Miss Sunshine. Oh, et c'est joli. Marrant de voir que les gens ne rient pas au même moment en France et aux États-Unis. Non, moi, je me rappelle par contre, juste un dernier truc, parce que les films en 3D. Ah oui. Non. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a du matériel, dès qu'on me donne du matériel pour aller voir un film, ça m'emmerde. Je suis quand même allé voir Jackass 3D en 3D. Moi aussi. Ça a existé, ça. Et peut-être une des meilleures. Enfin, j'ai ri. Le moment avec la cabine de merde. Bien sûr, évidemment. Absolue cinéma. On n'a rien fait depuis. Excuse-moi, Ngan. Non, mais t'inquiète. Et c'était Gravity. Et donc là, c'était vraiment le moment où c'était plus les lunettes nulles. Donc de quand on était petit, bleu et rouge. Là, c'était vraiment les grosses lunettes. Bien sûr. Et je sais que ma meuf, pendant tout le film, regardez, vous êtes. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40€ remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Elle marche tes lunettes ou pas? Des trucs genre, on a échangé 3 fois dessus. Elle voulait vérifier un truc, je sais. On va arrêter ça, par contre. On va juste arrêter. Soit cette relation, soit cette. En fait, mais c'est juste ta compagne qui te saoule, Fnaf. Non, mais je vois ce qu'il veut dire. Voilà, mais je veux dire, c'est que ce truc des lunettes 3D, il y a souvent aussi des moments de. Ah, quoi? Ouais, c'est vrai. Et à l'époque. Ça a commencé. Elle a une correction à un des yeux, quoi. Elle a une correction à un des yeux. Non? À zéro. Elle a pas de lunettes. Les gens qui ont. Oui. Une correction différente, même, je crois. Absolument, mais elle a pas de problème de vue. Et à l'époque, la 3D qui est mon EP aussi d'ailleurs. Enfin, je veux pas te faire de la concurrence. Je sortirai pas en même temps. À l'époque, la 3D assombrissait beaucoup les films aussi. C'est-à-dire que je trouvais qu'on voyait vraiment rien. Moi, je viens de repenser à Mickey 3D en fait. Mickey 3D. Voilà. Il faut que tu respires. Il y a une chanson qui s'appelle Matador qu'on pourra mettre dans la bande originale. La BO, la chanson phare. Alors, je peux peut-être me retirer du projet avec Mickey 3D malheureusement. Ouais, mais moi-même, je n'ai plus. Enfin, voilà, je suis en train de changer de projet. Respire qui était un peu un morceau. Écologique, si j'ai pas dit. Ah bah, c'est avec un morceau en avance en fait. Totalement écolo. 3D, voilà. Totalement oui, écolo. Bah oui. Non, mais quoi? Et les gens parlaient d'écologie à l'époque, en tout cas dans les artistes. Quand même. Hugo Frey. Non. Bah surtout Cabrel, encore Assassin, une fois. Pour le film que Assassin a fait un morceau vraiment sur l'écologie, oui. Sur leur premier album, si j'ai pas de bêtises. Et alors, Rocking on part Squad. Un autre Cassel, on va faire tous les Cassel. Qui s'appelle Compost. Jette tes détritus, mon gars. En fait, il y a toujours cette histoire de voix SNCF en fait. Mais toujours, mais c'est, bah oui, c'est oh mes là podcasts là préférés, vous m'entendez? Mais quand oui, ça commence, mais ça digresse. On s'en branle de jeu, voilà, on peut le dire au bout de 10 ans. On s'en branle. C'est juste qu'on veut rigoler entre amis. Jamais tu m'entendras évidemment dire que je m'en branle d'un jeu, tu comprends ça? YouGov et meilleures agences, j'adore ces entreprises. Ouais, que ça m'amuse de faire ces recherches, moi. Les nouvelles rames. De taper info déjà sur Google, ça me glace le sang depuis 2 ans. Ah, ils vont bien faire un truc sur ils vont bien faire un truc sur le wifi. Alors ce n'est pas dans les améliorations non proposées. Alors, non, parce que, attends, c'est les rames, c'est pas les c'est les, alors, les, non, sièges, les c'est les sièges. Ah, c'est les wagons. Okay. Ah, attention. Alors on dit voiture, attention hein. Wagon, c'est pour les marchandises. Chargeurs, c'est des chargeurs avec les téléphones. Non, ce serait trop facile. Pas les chargeurs, mais il y a un truc un peu qui change avec les sièges. Ouais. Un truc qui change. Siège chauffant. Pas siège chauffant. Des trucs nouveaux. Oui, des trucs nouveaux. Okay. Les wagons vont être totalement. Là, on a cité que des trucs qui sont déjà dans les trains. Oui, mais qui vont être améliorés. En fait, il y aura des sièges dans les trains. Il y a des trucs qui vont être améliorés aussi. Ah, donc bah c'est voilà pas si bête. Donc des trucs nouveaux, donc pas que des trucs nouveaux. Et aussi des améliorations. C'est un truc de confort. Ouais, non, mais enfin, une amélioration, c'est un peu une nouveauté aussi. Pas du tout. Non. Bah, c'est un truc de confort sur les sièges. Il y a un vrai truc de confort dans les sièges qui va arriver. Mais il y a pas que ça. Un porte-gobelet. Pas porte-gobelet. C'est juste. Pensez pas à un truc en. Enfin, si, c'est des trucs en plus, mais c'est pas genre un. Est-ce que poser l'iPhone. Poser l'iPhone. Non. C'est pas comme dans les avions la dernière fois où il va y avoir des sièges en hauteur. Non, ce n'est pas ça. Un repose, un truc sur l'appui-tête, un truc pour dormir, des oreillers. Non, non, c'est pas ça. Donc l'argent sous les sièges avec Oprah Winfrey. On peut allonger complètement le siège. Non, on peut pas. À l'horizontale. Non, non. Et un petit c'est la business, ça, non. Non, non. Un petit dodo. Non, tu peux pas. Donc c'est sur les sièges. C'est sur les sièges. Il n'y a pas que ça. Pardon, putain, excuse-moi, Mehdi, il y a une bonne réponse dans ce que tu dis, parce qu'il y aura un support téléphone. Effectivement. Un support téléphone. Ça, parce que alors, je ne sais pas ce qui est en. La SNCF ne dit pas. Pour poser vraiment le téléphone, c'est pensé pour ça. La SNCF ne dit pas si c'est. Parce qu'à mon avis, il y aura des différences premières, secondes, machin. Mais là, il y a un peu tout en même temps. J'imagine que tout sera pour la première, mais voilà. Est-ce qu'on. Enfin. C'est la première ici, donc on va. Donc oui, les éléments structurels des sièges vont être reconstruits. Donc ça va vous offrir quoi par exemple? Bah déjà un truc tout con qui fait du bien. Déjà un accoudoir pour chacun. Un siège massant. Pas un siège massant, pas d'accoudoir pour chacun. Donc c'est pas chauffage, c'est pas la clim. Non. Et repose non bah non, il y en a déjà. Oui, il y en a déjà. Réglable en hauteur. Pas réglable en hauteur. Réglable en profondeur quand t'as des grandes jambes. Non, non. Ça commence pas par réglable, on peut oublier ce mot. Mémoire de forme. Non mais par exemple, ça, je vous le donne, c'est un petit truc comme ça que je vous donne. Vous savez dans les premières, il y avait les mini tablettes. Enfin toi tu peux t'avais la grosse sur la ça va arriver aussi en seconde maintenant. D'accord. Voilà, la d'accord seconde. Ah, oui, d'accord. Et donc c'est ça qui fait office de repose téléphone ou bien non, c'est encore non, je crois que le support téléphone est encore autre chose. Avoir un vrai une fonction ça a l'air poche. De te passionner, Mehdi, ce petit. Oui, parce que. Alors, je vais te dire la vérité. Bah, je t'en prie, j'ai on est là pour ça, en fait. on est là pour dire les termes. J'ai mon beau-frère qui, à un moment, avait un projet de faire ça, en fait, d'inventer un. Enfin, d'équiper les avions et les trains d'un truc pour poser ton téléphone, tu vois. Et pour. Comme il prend souvent l'avion. Et en fait, il avait toujours ce truc-là de regarder des films, etc., mais de les tenir à la main, tu vois. Mmh. En plus, c'est comme ça. Attends, bouge, il regardait en tenant son téléphone comme ça, à bout de bras. Il n'y avait pas les ventouses. Je sais, en fait, je sais peut-être que j'ai une bêtise, mais en tout cas, il n'avait pas vraiment d'endroit pour poser le téléphone. Et donc, il s'est dit, mais c'est insupportable. Et donc, il avait vraiment créé un prototype et tout, qui n'est jamais allé au bout, au final. Et donc, voilà, donc, je me suis toujours dit que c'est bizarre que ça ne soit même pas encore effectif, tu vois. Parce qu'après, il y a plein d'accessoires pour le faire. Il y a des ventouses. Il y a les coques avec trucs que tu peux. Oui, c'est vrai. Ventouses ou même juste porte iPhone, tu vois. Exactement. C'est un truc à acheter. C'est un truc en plus. Mais voilà, exactement. Oui, ça, c'est très bien. Exactement, c'est ça. Là, je suis en train de regarder le Pacific Rim, là. Ouais, mais là, si le train bouge, ça peut tomber peut-être. Non ouais, là, ça tombe là, alors ouais, ça bouge sûr, pas. Bien alors, sûr, alors, tu vois, c'est une catastrophe. Alors que dans un. Avec non, ça, là, je l'ai remis bien là. Là, regarde-moi ça. Là, l'avion, il peut y avoir des turbus. J'ai un truc. Ouais. Est-ce que vous aimez le wifi dans les transports, vous? Ah non, ça marche mais jamais. Est-ce qu'il y a la 3G, enfin la 5G qui est redistribuée. Mais moi, je voudrais qu'il y ait 3G. Je voudrais qu'on ne capte pas. Oui, jamais. Qu'on fasse pas cette fausse promesse. Mais pourquoi? Mais parce que, en fait, moi, c'est le plaisir. C'est du edging de un peu. De pouvoir ne pas répondre, de pas être joignable pendant un moment. T'as juste à te mettre toi en ne pas déranger. Laisse les gens, les autres, en fait. Oui, mais là, le truc, c'est que le fait de pouvoir. En avion, par exemple. Aujourd'hui, tu peux le dire. Je peux pas te répondre. Je suis en avion. Tu vois, je serais pas joignable. Je suis en avion. Ah oui. Je vous en donne un petit. Allez. Il y en a, ah oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup. Hein, ouais, donc, vas-y. Franchement, on te fait confiance. Il y a. Je suis de bonne humeur en plus. Un peu plus de. plus de place pour les jambes. Voilà. Oh bah alors, mais il l'a dit. Non, non, parce que non. J'ai dit ouais. Réglable ah, en oui, profondeur oui, ça, sur la dérive. Alors attention, on parle de 5 cm de plus pour les genoux, mais quand même 5 cm de plus pour les genoux. Ouais, mais bon, quand, hein, ça te prie, quand t'es grand, ça te prie. À mon avis, ça doit faire une belle différence. Plus de place pour les bagages, parce que il y a toujours un peu ce truc-là. Et des fois, t'es obligé de les laisser en au fait, début de la rame. Ce qu'on veut, c'est juste moins de gens dans le train. Porte, espace bagage individuel. Oui. Non, ça nominatif sous le siège, la base, tu mets ta valise. Quand t'es, alors quand tu es parents, c'est un truc un peu relou, c'est que les places pour les valises sont plus petites au rez-de-chaussée qu'au premier étage. Et donc quand t'as la poussette, bah c'est absurde parce que tu peux pas la ranger en bas, donc t'es obligé de te taper à prendre ton bébé, plier la poussette, monter la poussette. Alors tu vois, s'il y avait les grands espaces en bas, ça serait plus simple. Bah, c'est vrai. Ah mais si vous écoutez SNCF, j'ai plein d'idées. Bah ouais, non mais ouais. Du gaming, il y aura du gaming. Non. Un wagon pour enfants, un wagon avec une piscine à boules. Mais bah, en vrai, avec des animations, tous avec les des animations. Mais oui. Tu as purement pour les enfants, quelqu'un qui s'occupe des enfants pendant 3 heures, mais quel rêve. Tous les twittos qu'on fait leur beurre sur il y a un enfant dans le train qui pleure. Et bah, un wagon pourrait mettre tous les enfants, tout le monde serait ravi et voilà. Ouais, puis c'est vrai que du coup, il n'y a plus vraiment d'argent à faire sur Twitter si on n'est pas juste raciste. Ouais. Bon. Oui, mais est-ce que ce ne sera pas un peu comme les wagons fumeurs où en gros, même les fumeurs n'ont pas envie d'y aller, quoi. Tu non, vois ce que je veux dire? Non, je pense pas. Genre, t'aimes bien y aller pour fumer ta clope et retourner t'asseoir en wagon non fumeur, quoi. Non, je pense que pour les enfants. Ouais, les enfants, ils veulent juste jouer tout le temps. Oui, mais tu laisserais ton gosse avec d'autres enfants où elle peut faire des coloris. Non, mais tu y restes toi aussi. Oui, ben c'est ce que je dis. Mais t'as envie d'être entouré de tous les enfants, des autres gens. Ouais, mais tu peux les deux. Ouais. C'est-à-dire que vous, en fait, là, vous voulez un wagon trop grand, j'ai l'impression. Vous voulez tous les enfants du train, plus tous les parents, plus des animations, plus une piscine à boules. En fait, il faudrait des trains pour enfants. Des trains pour enfants, voilà. Moi, je gobe pas du tout que vous êtes OK pour être dans un wagon avec 30 gosses. Non, mais c'est pour ça, mon pauvre petit relais. Qu'est-ce que tu crois que je fais quelques dimanches au tramp au parc? Bah oui, mon c'est vieux. C'est littéralement ça, la piscine à boules. Et un boum-boum-villette. Je crois que je me l'ai fait pas moi, boum-boum-villette. Le truc de pirateau. Tu fais quoi ce week-end? Eh bien. Prenez-moi, c'est pas loin de chez moi. Le truc du pirate du sous-sol, évidemment. Bah la villette ou rien à voir? Ouais, c'est la villette. Dites-moi. Après, quand tu vas là-bas sans enfant, c'est un peu chelou. Ouais, je suis avec mes potes. Le Boom Boom Villette est extraordinaire, puisqu'en gros, pour t'expliquer, alors déjà, il y a une escalade. J'adore cet endroit. C'est sur le chemin de la Hoops Factory. C'est au sous-sol, effectivement, t'as un truc de trampo parc et de piscine à boules pour les enfants, t'as des salles d'arcade, t'as un bowling, et au rez-de-chaussée, tu as l'île de la Tortuga. Évidemment, l'île de la Tortuga. Attends, c'est un truc de pirate. Évidemment, bah pour les enfants, mais oui. Oui, non, mais bon, on a quand même le droit d'aller faire des photos. C'est littéralement le truc qu'il faut pas faire. Si jamais on a... Non mais de moi, si jamais on a un costume de pirate qu'on n'aura pas trop l'occasion d'utiliser, on peut peut-être quand même. D'un coup de vélo, je me suis racheté une batterie, je peux quand même aller à l'île de la Tortuga, je paye. Et le rez-de-chaussée, alors je sais pas ce que c'est pour les personnes véganes, mais tu as plein de restos comme au States. Une food court, t'as une food court. Là, vous venez de dire tous les trucs que j'adore. C'est ça. C'est vraiment cool. Moi, j'adore son endroit. Et t'as 12 salles, 15 salles de cinéma avec l'IMAX. Et t'as un cinéma Lego. Tu l'as vu, le cinéma Lego pour les enfants? C'est génial. Non, mais c'est extraordinaire. Moi, j'ai un gros problème. C'est que souvent, je me rends compte que j'ai des goûts d'enfant, quoi. Ouais. Et ça m'arrive parfois où je vois une pub Insta, je vois un vêtement, je fais putain, pas mal ça. Je clique, c'est pour du 3 mois, quoi. Après, c'est des couches, Adrien. Donc, non, mais c'est enfin, 3 mois que j'exagère, mais parfois, c'est vraiment pour les enfants, quoi. Et putain, il est pas mal le truc. Tiens, un peu coloré, un peu barillé, j'aime bien. Et eh ben non, c'est pas pour les adultes. Et là, ce truc de. Moi, non, mais le tout ce que vous venez de dire. Il y a même. Alors, je l'ai jamais testé. Il y a une escape room Batman. On dirait que je l'ai pas fait encore. C'est pas vrai que c'est bien. On dirait que c'est moi, à 6 ans, qui ai inventé cet endroit. Les gars, on peut manger ce qu'on veut. Venez, on se cale une sortie à Boom Villette. Ensemble, non. Venez, c'est la très premier degré. Venez, c'est la fin de ce podcast. On arrête. On y va. Attends, on prend le zoom, on continue là-bas, quoi. Dans le trampo au parc. Alors, Adrien, comment ça va? Là, on est un jeudi. Jeudi après-midi, ça doit être vide. On va se régaler. Et il y a aussi un truc, c'est Quiz Room. Tu connais ce truc? Quiz Room. Tu connais Quiz Room? Non mais pardon. Ouais, pour dire qu'à 10 minutes de vélo de chez moi, il y a un paradis. Quiz Room, je l'ai fait il y a pas longtemps. Ouais, exceptionnel. L'escape room, je la ferai pas. Non, moi, la Batman, moi non plus. Mais le Quiz Room, je suis d'accord. Ah, Quiz Room, c'est vraiment cool. Bien sûr. On fait Quiz Room, food court, petit bowling. On finit par un finoche. Ouais. Pas mal la Tortuga. Il fait quand même un premier tour. Enfin, si t'es pas tortue. Mehdi et moi, on emmène les enfants parce que t'as pas le droit d'y aller. C'est vraiment pour les enfants. Il a pas le droit d'aller. Ah, si, je pense que tu peux. Mais c'est quoi? Non, c'est quoi? C'est bizarre, ouais. C'est quoi dedans, en fait? Mais en fait, c'est des vrais jeux, des toboggans, tu vois. Oui, bon, non. T'as pas le droit d'y aller, non. Non, ça m'intéresse pas. Non, mais le trampo parc, il est assez fou parce que t'as même, ça je savais pas, un trampoline ou jeu vidéo. Genre, où tu dois sauter suffisamment pour taper dans des trucs. Ah, ok. Non, ça c'est assez fou. Est-ce qu'il y a. Parce que moi, j'ai fait une fois un trampo parc et il y avait ça. Il y a un trampeau et un panier de basket. Oui, il oui, y a ça. On prend un Uber. Ouais. Prends un Uber van maintenant. Là. Maintenant, je prends un Uber van. Il y a même une statue de Jack Sparrow. Si ça peut, je sais pas. Si t'as envie de prendre un photo à côté. J'ai jamais vu Pirates des Caraïbes. Ok. Ah oh. Et ben, c'est, voilà. C'est moi non plus. C'est l'info choc. Et ben moi, je les ai vus tard et j'ai trouvé ça. Tard l'époque. Tard l'époque, absolument. C'est très juste ce que tu dis. Et franchement. C'est mortel. Enfin, ouais, les deux premiers, ouais. C'était vrai bon film ouf, d'aventure. Ouais. Franchement. Moi, ça, tu vois, quand on était allé au Pirate Paradise, ouais. Ça m'avait gâché qu'il y ait Jack Sparrow. Ouais. Parce que moi, j'aime bien le côté un peu. Parce que c'était le vrai Johnny Depp, donc c'est pas identifiable. Ça met une sale ambiance. Non, mais pas identifiable, tu vois, le côté, oui. C'est du pirate générique. J'aime bien le truc c'est un peu. C'est quoi Pirate nu. Paradise, pardon. Pirate Paradise, alors, bah, c'est un bar-restaurant. Ah, ok. À Montpellier, il y en a un à Lille également. À la thème pirate, mais vraiment les serveurs mieux, sont des pirates. Non, mais mieux que le resto pirate de Disney, quoi. Ouais. C'est mieux, j'ai fait les deux. Pirate Paradise est mieux. Il sort un bouquin bientôt. Mais t'as un intérêt pour le monde de la piraterie globalement ou... En fait, moi j'adore cet univers. Ok. Ah, le monde moi, des pirates. J'aime, ah ouais. J'aime le Monkey Island, hein, un jeu de mon enfance. Mais j'aime bien les pirates, mais j'aime moi surtout. Cette atmosphère un peu parc d'attraction, un peu carton pâte et tout, j'adore ça quoi. Okay. Les lieux un peu nuls déco, on parlait tout à l'heure du Rainforest Café là, le truc un peu. Ouais. Tu sais, les décors qui reproduisent un vrai truc mais un peu mal fait, t'aimes mais tu bien le ça. Sais, mais. Ouais, ouais. J'ai un peu l'impression d'être dans une bulle, une zone, une dimension parallèle, tu vois, entre la réalité. Enfin, j'aime bien. Un tiers lieu. C'est un peu un tiers lieu, mais marrant, quoi. Ouais, pas des backrooms. Vous avez-vous des endroits comme ça? Un endroit alors, où vous dites là, je suis dans mon cocon, je suis dans un endroit où je suis bien. Moi, je peux avoir ça avec la Fnac, par exemple. Tu vois, c'est un endroit où je suis bien. Ah, j'avais ça avant, c'est vrai. Tu vois, putain, moi, la mer. Ah ouais? Quand je suis dans l'eau. Ouais. Vraiment. Ça, c'est un truc. Et que je suis loin. Parce que moi, depuis que je suis petit, non, mon père m'a foutu. T'es carceau, bah, mon pote. Je suis un breton, en fait. On retient. Je suis breton. Erwan. Goulven. Bah oui, je suis un pêcheur du Guilvinec, putain. Merde. Oh, le Guilvinec. Et voilà, moi, c'est la mer. Mais il y a un endroit, pour le coup, qui rejoue un petit peu. Pour un tournage d'une émission que je faisais à l'époque, j'étais allé à Rome dans un truc, il fallait que je parte, et j'avais trouvé une guest house qui s'appelait la Movie Guest House, c'était pas très cher. Okay. Et moi, je m'attendais à Rome que ça soit un truc sur le thème du cinéma italien. Ouais. Je sais que j'ai des posters de Fellini, des machins, rien à voir. C'est dans un appart, il y a des chambres à thème avec des films. Donc la première fois, je suis dans la chambre Kill Bill, où j'ai dû dormir avec mon cadreur parce que j'avais dit, mais j'ai demandé deux lits. Ouais, non. Et donc on a dû dormir sur un tatami et je suis retourné deux, trois fois parce que c'était vraiment pas cher et bien placé. Et là, il y a une fois où j'étais dans la chambre Pirates des Caraïbes. Oh là. La table, il n'y avait pas de table basse, c'était un tonneau. Ok. Et il y avait un Johnny Depp grandeur nature. Ah, et toutes sent, les ça, nuits. Non. Je croyais que quelqu'un était qu'il allait chier dans ton lit encore. Mais j'aime beaucoup cet endroit. C'est un peu mon cocon également en Italie. Ah non, mais je vois ça. D'ailleurs, je sais pas si on parle du Pirate Paradise. J'ai vu une news qui disait que Marco Mouli avait été arrêté, alors que il travaille au Pirate Paradise. On l'avait dit. On l'avait dit. On avait un serveur qui était le sosie de Marco Mouli. Enfin, on compte du sosie. Non. Sans doute rien à voir, mais voilà, c'était Marco Mouli. Ouais, mais pour vous, c'était Marco. Voilà. À tout jamais. Je vous montrerai la photo. À tout jamais. Non, mais le monde de la piraterie pour moi n'est pas assez, alors que c'est très français. Meilleur film de pirate. Bah, moi j'adore Pirates des Caraïbes. C'est vrai, c'est ça. Peut-être que j'en connais aucun, j'aime autant vous dire. Bah, il y avait un film de Hook. Polanski, Pirate. Il y avait un film avec Gina Davis aussi qui avait flop. L'île au trésor. Très sympa. Hein, ok, je l'ai jamais vu. Mais moi, tu vois, Waterworld n'est pas un film de pirate, mais j'aime cette ambiance. J'aime cette ambiance. On est sur l'eau, on est sur. Oui. Tu vois, il y a des bagarres. On peut dire Mad Max, c'est un film de pirate de la route. Mais un peu. Non, mais moi j'ai toujours préféré. Pardon de le dire. Moi qui étais un très grand fan de Star Wars, j'ai toujours préféré. Les Han Solo, les mercenaires, les chasseurs de primes, que les Jedi par exemple. Tout le monde préférait Han Solo, je crois. Mandalorian. Tout le monde préférait Harrison Ford. Mandalorian, j'adore. Ma nouvelle passion, c'est Mandalorian. Okay. Après avoir chié sur Star Wars pendant 30 ans. Mais que la France ne fasse pas plus de films de pirates là, parce qu'ils nous font Les Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo. Des films de pirates. Ouais, les pirates. Mais le pirate l'abuse, j'en avais mis, j'avais foutu un petit peu dans Jack Mimoon, on avait fait aussi sur la réunion avec Vincent. C'est des pirates stylés, non, mais moi j'y pense. Mais après, à mon avis, c'est budget Ah mais non, mais c'est vrai que je te parle bien, de pâté, je te parle de ceux qui là maintenant il y a un Oui. Après le Comte de Monte Cristo, parce que t'as l'impression qu'il y a un attrait pour le grand spectacle le français. Et c'est, français ouais. C'est, la, c'est un peu la politique de Pathé de vouloir faire du blockbuster c'est ça. Français. Voilà. Pathé, contactez-nous, si Florent Pathé, et moi, on vous l'écrit. On fait un film de pirates, mais qui sera pirates. Tourné à moitié au Pirate Paradise parce qu'on les aime trop. Ouais. Ça peut être un peu un truc où, tu vois, le Pirate Paradise devient réalité, tu vois. Un truc, oh là là, quel bonheur. Ouais, je sais pas, c'est peut-être une horrible idée. Tu parlais de Rainforest Café, si je sais pas si bien c'était hors antenne, mais on parlait de non, c'est un peu ces lieux. Rainforest Café, il y a un youtubeur qui s'appelle Eddie Burback qui a fait tous les Rainforest Café. Si tu l'as vu, bien sûr, je l'ai vu. Bien sûr, j'ai adoré cette initiative. Et ton endroit, toi, Mélou, tu te sens bien? Franchement, ça peut être chez toi, ça peut. Non, je déteste mon logis. Je fuis et pourtant c'est immense. Il l'a dit. C'est pour ça. C'est un palace. Ouais, ouais. Non, je pense. Enfin, j'aime bien, tu sais, les magasins OCD. Oh, bien sûr. C'est pas... Attends, quoi ? OCD. En fait, c'est des magasins, tu sais, avec beaucoup de choses. Alors, parfois, il y a du neuf, mais des articles d'occasion, des DVD, des CD, des vinyles. Il y a des vinyles. Il y en a beaucoup en France, dans plusieurs villes. Moi, j'avais découvert ça à Lille à l'époque où j'étais à Lille. Une sorte de Gilbert Joseph. Oui, une sorte de cachet de fraises, quoi. Ouais, mais en plus. Ouais, mais il y a un petit charme, je trouve. Oh là, non. C'est pas tout à fait Gilbert Joseph, c'est-à-dire que c'est vraiment. Oui, voilà, exactement. Ok. Boukoff, un petit peu. Tu m'as reperdu. À chaque fois que je vais là-bas, j'achète plein de trucs que je vais pas forcément regarder parce qu'en fait aujourd'hui j'ai même plus de lecteur DVD, mais il y a vraiment ce kiff, tu sais, de tomber sur un film, une série B à 2 euros, tu vois, il y a vraiment ce truc là okay. J'adore ça. Et ben bah, est-ce que ce serait pas un petit peu une chasse au trésor de pirates? C'est excellent ce que tu proposes. Pas vraiment, parce que tu sais, je recherche pas. Non, pas du tout, mais. Je recherche pas un truc en particulier. C'est moi, au contraire, c'est le plaisir de tomber sur. Ah oui, mais pour moi. Un oui, truc qui est pas forcément bien d'ailleurs. Voilà, exactement. Le plaisir de tomber sur TimeCop. Et pareil sur des vinyles, des CD, ouais. Tu vois. En plus, comme maintenant, tu sais, on peut globalement avoir accès à toute la musique du monde, tu vois. Donc c'est vraiment plutôt le truc, je l'attends pas et je tombe dessus. Sur quelle plateforme au hasard, hein, Mehdi, bien sûr. Bah, je pense que c'est Apple Music, évidemment. Mais est-ce que Apple TV Plus, c'est pas le nouveau HBO? Je pose la question, ouais. Il pose la question, c'est voilà, tout. Non, mais c'est un peu comme, on en a parlé il y a pas longtemps, quand t'es genre à l'hôtel et du coup tu te retrouves à regarder la télé hertzienne et tu tombes sur un film et tu fais, oui. Oh putain, c'est pas la même saveur que de se le mater volontairement sur une plateforme. Tout à fait. Voilà. Je vais finir cette histoire de train. Vous voyez bien que. Ah oui, c'est vrai. Non, voilà. Mais attends, ouais, bon, allez. Il va y avoir. Bonne humeur. Parce qu'on parle. C'est là où on sent que c'est pas si souvent, c'est qu'il le dit beaucoup quand ça arrive, mais il le répète un peu en boucle. C'est grâce à vous, c'est grâce à vous. Le bistrot va ouvrir. Alors qu'est-ce que le bistrot? Oh, bah là, Mehdi. Oh merde! Il a une main moite, il transpire là. Pour symboliser la convivialité, les plats français et la simplicité. Sur deux étages, un wagon-bar sur deux étages avec une mezzanine, à l'espace mezzanine. Supérieur, des petites tables et des banquettes avec quelques pirates quand même. Au moins un surcouche. Au moins un pirate au moins. Je demande pas grand chose. Sur une sur la ligne Paris-Brest au moins. Qui, idéalement parlerait comme Marco Mouli. Bon. 28 places assises au total. C'est la première fois que nous créons un véritable restaurant, insiste Alain Krakowicz de la SNCF. Au rez-de-chaussée, tout est en libre service. Les clients pourront composer leur panier comme dans une épicerie. Et voilà, et donc ça s'appellera le bistrot. Il y aura deux machines à café, un grand frigo avec boissons et plats et deux caisses automatiques sur lesquelles le voyageur scannera ses articles. Le barista derrière son comptoir disparaît. Ah non, ça par contre, pas. Ah bah non. Ah bah non. Nous, ce qu'on veut, déshumaniser. Nous, c'est pas un bistrot du tout. J'aime pas, c'est pas un bistrot. C'est un yatou partout. J'aime pas, et aussi, j'aime pas l'idée que. T'es dans la machine. C'est comme, j'aime pas les buffets. Tu vois, j'aime pas l'idée se lever et non, moi j'adore. Au petit déj quand même. Oui, mais toi c'est t'aimes le bien seul moment où je l'accepte, ouais, c'est le petit déj. Mais toi t'aimes bien être servi. Oui, c'est vrai. Non, mais pas de moi un connard de droite, Adrien. Pas du tout. Je te vois venir. Pas du tout. Mais attendez, vous me prêtez des intentions. Pas du tout. Et toi, tu préfères être servi ou être en non, chercher? Au contraire, moi j'adore les bah voilà. J'adore le côté toi, genre. T'aimes pas qu'on touche tes aliments, toi? Non, c'est pas. J'aime. T'aimes pas qu'on pisse dans ton plat, toi? Non, mais c'est vrai, tu me l'as déjà dit. Ça dépend. Ça m'est arrivé de payer des gens pour le faire. Et me faire péter dans la bouche, je l'ai déjà dit dans un autre épisode. Mais non, moi je c'est pas un kiff de me faire servir. Et le côté plus indépendant, je vais me servir comme je veux, je prends ce que je veux, j'adore. Quand je suis allé, ouais, moi j'aime pas. Encore un autre lieu que j'ai adoré, Europa Park. J'ai adoré, mais parce que je suis aussi allé dans l'hôtel thématique italienne où t'as un faux Colisée et tout. Enfin, c'est fou. Et là, c'est immense buffet, mais c'est immense. J'ai adoré. Mais tu dois adorer Las Vegas. Parce que c'est un peu ça. Pas tous les jours, mais. Non, mais. Ah non, mais dans le côté carton-pâte. Tout est en carton-pâte. Bah, ouais. J'aime bien, j'y passerai pas ma vie. Mais non, oui, bah non, ouais, ouais. Personne. C'est non, mais voilà, mais oui. D'ailleurs, quand tu disais que tu préférais New York, c'était le New York de Las Vegas. Oui. C'est un petit New York que je me suis fabriqué chez moi. Non, avec mais oui, en 3D. J'adore ces lieux grotesques, en fait, un peu, quoi. J'aime ça. Bon, il y aura toujours un agent hein, quand même, Mehdi, mais c'est, ça casse un peu le truc pour vérifier que les gens ne volent pas, tout simplement. Je suis déçu parce que moi je m'attendais à ce que justement, parce qu'il dit c'est la première fois. Non, en fait, c'est juste il y avait un wagon restaurant avec où on pouvait manger des trucs. Ouais, ils ont juste viré un gars quoi. Ouais, ils ont juste fait un distributeur automatique. Mais en fait, c'est juste le truc de se dire moi, un des trucs que j'aimerais bien faire un jour, c'est le côté Orient Express, tu vois, genre le. Oh. Tu vois, genre ce truc là d'aller dans un. Ah oui, avec un une cloche. Et oui, bien sûr. Mais pas forcément une cloche, non, c'est, non, juste un restaurant, un truc stylé, c'est juste un truc à restaurant. Je crois qu'il y a plein de pays d'Asie où il y a encore. Ouais. Enfin, le Japon, bah, c'est Amixem qui a fait une vidéo il y a pas longtemps là-dessus. Ah, où il traverse sans train. Non, non, mais c'est pas au Japon, mais ils prennent un des trains les plus luxueux, l'équivalent de l'Orient. Et c'est fou, ils ont une chambre d'hôtel avec salle de bain dans le train. Il y a le côté train-couchette, mais je crois que. Ouais, c'est ça, c'est le. Parce que moi, toi, t'adores. Moi, j'adore aussi la bouffe dans le train, mais c'est surtout que je crois que j'ai une fascination pour la bouffe dans les transports. Ouais. Les gens qui manger se sont en fait... se déplaçant, les gens qui se sont fait chier à faire des plats, il y a toujours, on te met toujours le nom d'un chef, tu sais qu'il est juste venu faire. Ouais, ça on s'en fout hein. Non mais on s'en fout, mais c'est cette espèce de truc de il soin a pris un chèque, qui est pris pour un truc pas ouf, mais qui arrive souvent un croque monsieur littéralement. Souvent les graissins Joël Robuchon, tu fais ouais le croque monsieur Michel Sarran, bon. Voilà, mais j'ai une fascination pour ça. Et moi, un de mes saucissons préférés et le saucisson vendu dans le wagon bar de la SNCF. Voilà, je vous le dis. Mais parce que les je sais que Mehdi là, peut me rejoindre sur un truc parce que dans un épisode de Test France du Clic, le podcast, où tu faisais plutôt les trucs qui vous font kiffer, le pain du Leclerc. Le pain du Leclerc. Oui, bien sûr. Et tu vois, et je te rejoins, moi j'adore le pain du Leclerc également. Et les pains au chocolat. J'aime bien les pains au chocolat du club où il y en a 32, tu sais, dans le truc en plastique. Ils ont un goût qui me plaît parce que c'est le goût de mon enfance. C'est l'équivalent en bouffe des lieux dont je parle là. Exactement. C'est vrai. Côté, on sait que c'est pas distingué, mais on aime bien et c'est inoffensif. Et ça, absolument. Et donc j'ai un peu ça avec le sauce du. Et c'est pour ça que je voulais dire, en fait, Las Vegas, pas trop parce qu'il n'y a pas ce côté. Inoffensif. Oui, ah bah oui, non, oui. Les dégâts, tu peux te faire poignarder vraiment. Pour moi, c'est la ville du vice. Pour moi. Hein. Non, c'est vrai que tu l'as dit souvent. Je l'ai dit. Hein. Tout ce qu'on raconte, quand même, ça a toujours en vrai un lien avec l'enfance, quelque part. Mais... Tu vois, tu dis que tu recherches ça, le côté. Non, mais tu vois, les lieux dont tu parles, la baguette du pain, c'est Las Vegas. De mon enfance. Justement, Las Vegas, non. Tu vois, donc il y a un peu un truc comme ça, finalement. Mais certains philosophes, la quête du bonheur, c'est de retrouver le bonheur pur de ton enfance. Exactement. Bien sûr. C'est dans mon bouquin. C'est Hook. Pour moi, c'est Hook. Et dans Hook, il y a quoi? Un pirate. Bon bah voilà. Allez. Non mais sans vouloir. Non mais sans vouloir accrocher les wagons. Et les wagons justement. Hop là. Oh quoi maintenant? Je suis de bonne humeur. Encore plus là. Putain, tout se recoupe là. Oh là. C'est un bel épisode. Il est très bien. Allez les gars, c'est du beau contenu. Quand même. Là, on est en train de vivre internet. Quand je suis de bonne humeur. Dans quelques semaines en Chine. Attends, c'est fini, t'as dit tous les trucs? Ouais, j'ai dit tous les trucs. Ça m'a déçu. Je vais pas cacher que ça m'a déçu. J'en ai dit quelques-uns quand même. Non, mais. Je vais pas te cacher que je me souviens de rien. Attention, c'est pas ta faute. Mais je suis déçu de la SNCF. Leur bistrot, même Mehdi a pas aimé le bistrot. Alors, ouais, que, alors que tu sais c'est que c'est un alcoolo. Ah, il y aura sur de la colle. Oh, plus de barista, certes. Mais la binouse, elle est encore là. Enfin, le Rosé Garcia. Votre histoire. Le Rosé Garcia vendu. Évidemment. Il est vendu dans les trains. Oui, vendu dans les trains. Très beau move de José Garcia. Ouais. Qu'on salue, qu'on embrasse. Qu'on aime. Il y aura en revanche, tu pas des pirates, mais peut-être des mariachis. Je le connais. José Garcia, tu l'as déjà rencontré? C'est un frérot. Okay. Il y aura peut-être des mariachis, peut-être pas des pirates, mais du coup, il y aura peut-être des mariachis si il y a Rosé Garcia. Dans quelques semaines, en Chine, plusieurs milliers de candidats vont se lancer dans un marathon. Mais quelle est sa particularité? Un marathon où justement les gens sont alcoolisés? Non, en fait, ils courent pas. Ils sont pas nus, ils courent. Ah, ils courent. Ils n'ont pas le droit de s'arrêter de courir pendant 3 jours quoi. Avec des disques, avec des dents derrière eux, c'est ça que tu veux dire? Non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, ça s'arrête quand la Chine devient une démocratie. Et en fait, peut-être pas. Alors ce n'est pas ça. Un marathon, c'est 42 km. C'est une info. Non, je réfléchis. Je vois que ça peut pas être 3 jours. Un mec qui bosse régulièrement avec Nike. Ça peut pas être un mec qui court. Mais oui, je sais bien. Ça peut pas être 3 jours du coup. Un coureur ce man. Ouais. Alors c'est un semi-marathon. Running Man, c'est un film avec qui ça? Running Man, c'est Schwarzenegger, bien sûr. Plus ou moins plagiat du Prix du danger, réalisé par Yves Boisset. C'est pas un plagiat, qui nous a quitté. Un... Je crois que c'est un remake. Non, ça c'est la True Lies, qui est un remake de la Total. Oui, de la Total. Non, mais non, je ne pas. Yves Boisset avait attaqué en justice les gens qui ont fait Running Man parce que c'est un plagiat. Mais là où c'était compliqué, c'est que c'est aussi une adaptation Running Man d'un livre de Stephen King. Qui a un pitch assez similaire, mais le fait que ce soit télévisé. Que Yves Boisset avait plagié le livre. Oh merde, je suis con. Il a dit, je me suis mis tout seul. Non, mais laissez tomber en fait. Super Running Man, super. Mais qui est une de mes conversations, donc je vais pas en dire plus. Mais non, c'est un semi-marathon qui a lieu le 13 avril. Il y aura 12 000 participants. Le 13 avril, c'est une fête particulière. Non, c'est pas lié à ça. Un cloche-pied, un truc comme ça. Pas à cloche-pied. Est-ce qu'ils vont courir de façon tout à fait normale? Je vais même te donner un indice. Ils vont pas courir. Eux, oui. Ah, il y aura des animaux. Avec des animaux. Alors non, mais effectivement, ils vont être contre. Des robots. Très bonne réponse. Oh là là. Et oui, ils vont affronter des robots. Un semi. Bah, c'est Squid Game. Alors, je vais pas te mentir, je pense la saison 3 de Squid Game. Ça, ouais. C'est pas Squid Game. Réalisé peut-être. Par Yves Boisset. Enfin bon. Ouais, on va se retrouver. En vrai. Plus Black Mirror. Mais oui, je suis obligé de le dire. Un semi-marathon très particulier va avoir lieu. Pas moins de 12 000 participants humains. Maintenant qu'on précise humains, me glace un peu le sang. Mais voilà. Effectueront les 21 km de course dans la capitale. Seulement, voilà, il est également prévu que des robots humanoïdes, donc pas des robots à roues, évidemment, tu vois, pas des tanks, se joignent à l'événement sur une voie séparée. Il semble que cette particularité soit en lien avec la volonté de la Chine de montrer ses différentes innovations en matière de robotique. Ça va être terrifiant. Selon Li Quan, le directeur adjoint de la zone prévue pour accueillir la course, il sera question d'une vitrine technologique pour le pays afin d'accélérer le développement de cette industrie. Toutefois, une question se pose. Ces machines seront-elles de taille face aux humains? J'imagine que s'ils prennent le risque, bien sûr que oui, tu vois. Cela reste assez difficile à déterminer dans la mesure où pour l'instant, aucune information concernant les robots participants n'est disponible. Selon le règlement, seuls les robots humanoïdes, donc sans roues comme je le disais, pourront participer. Ils devront donc courir sur deux jambes et ainsi, et comme les humains. Ça va être flippant. Mais c'est un truc que j'ai jamais... Parce que moi, je suis un peu les travaux de Boston Dynamics. Vous avez déjà vu... Bien sûr, le robot qu'on pousse. Pour moi, oui, c'est voilà, le robot qu'on là, pousse. Mais là, le dernier robot, il est incroyable. Il fait des saltos, ouais. Il fait tout. Et je me suis dit, mais est-ce que... Pourquoi recréer des jambes et tout? Enfin, quel est l'intérêt? Est-ce que c'est vraiment le moyen le plus efficace de se déplacer, quoi? Et surtout, est-ce qu'on a besoin qu'il danse? Enfin, quel intérêt? Mais... et c'est surtout le côté, est-ce que quel intérêt de reproduire un humain? Est-ce qu'il n'y a pas des Gens, chose à... Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas inventé un autre truc? Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est peut-être parce que c'est plus vendeur, c'est une meilleure vitrine? Ouais, et je pense qu'il y a un truc comme derrière, ça. Derrière, ils font des roues. Les roues montent pas les escaliers. Ouais, je sais pas. Bon, on peut leur faire confiance, au mec, peut-être. Peut-être que la nature est bien. Au mec qui font les robots, je pense. Je pense qu'il... Non, regarde, mais quand Elon Musk a lancé la Tesla, après, c'est devenu un mec super. Si le mec qui lance les robots. Ayons confiance. Les IA là. Il pille Miyazaki. Un peu. C'est notre débat. C'est, ça sera la fin du podcast. C'est qu'on va s'embrouiller sur les IA. Mais pas du tout. Bien sûr que non. Cependant, il y a fort à parier que les robots seront dotés d'un système de propulsion efficace et intégreront l'intelligence artificielle. La fameuse IA. Pour qu'il court, forcément l'IA. Sinon, il va tout droit, terminé. Afin d'optimiser différents facteurs comme la vitesse, la trajectoire ou encore la consommation d'énergie, évidemment. Par ailleurs, il faut savoir que le règlement autorise les robots télécommandés à distance semi-autonomes à participer aussi. Ouais, bah attention, ça c'est. Je me permets une petite correction. Tu as dit marathon. 21 km, c'est un semi-marathon. Oui, en plus, il l'a dit tout à l'heure. Je me suis auto-corrigé. Je suis une merde. Non, mais t'as eu raison. Je le dis en fait, parce que j'ai des choses à dire. Mais pas du tout. Faut que je me confesse. Il faut me reprendre, je t'en supplie. Est-ce que vous pourriez avoir un robot? C'est la question. Oui. Bon, moi, j'ai... Non. Ai-je besoin de répondre? Je t'ai pas regardé. J'en rêve chaque jour. En fait, le principe est un peu terrifiant, mais en vrai, ouais, je pense que je pourrais, ouais, pour faire des trucs qui m'emmerdent, comme bien un outil, sûr. Tu vois. Oui, moi, oui, oui. Moi, non, est-ce que vous non. avez vu Cassandra, la série sur Netflix là? Non. C'est une série allemande que j'ai trouvée vraiment bien. T'as dit allemande avec un accent allemand un peu. J'ai fait allemand, LV1. J'ai fait allemand, LV1. Et en fait, c'est le concept de. Parce que je me suis posé la question, c'est une smart home. Tu en fait, t'as une IA qui gère la maison. Donc, t'as plein d'écrans avec un visage, mais t'as aussi concrètement un robot dans la maison. Alors, évidemment, vous imaginez bien que si une série, c'est que ça part en couille et que ça se passe mal. Mais le concept d'une maison intelligente. Oui, sinon, ah non, moi, ça me... Voilà, sinon, il n'y a pas de série. Oui. Et ben, moi, j'avoue que je me suis dit. why not, tu vois, d'avoir finalement ouais un robot qui fait tout, il est la vaisselle, qui met le chauffage, qui met la bonne température. Mais j'ai comme je suis pas du tout attiré par ça, enfin intéressé par ça, ouais j'aimerais bien, je crois. Mais en fait moi j'ai trop une peur panique de ce qu'on voit des milliardaires qui viennent tous d'extrême droite, de mais à quel moment eux peuvent pas dire bon bah maintenant les robots font ça. Bah non mais en vrai t'as raison, ça fait évidemment. Un peu voilà tu vois. Toi, mais c'est pour ça que l'idée de base me l'idée me tend de ouf. Moi déjà on a voulu m'offrir un Amazon Home. Alexa. C'est-à-dire que c'est je pense que je l'aurais, enfin j'aurais jeté juste le truc à la poubelle direct. Ouais. C'est au-delà du truc, c'est-à-dire que il y a une chose, c'est que j'ai l'impression vraiment d'embaucher un espion. Ouais. Et qui peut prendre toutes mes, enfin voilà, ouais, et les revendre après. Et deux, il y a vraiment un truc, c'est que Mehdi peut en témoigner, c'est-à-dire que j'écris tout à la main. Mmh. J'ai cette espèce de truc de toujours vouloir. Enfin, j'ai peur de perdre du savoir-faire. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que faire des trucs à la main, je me dis, voilà, je m'entraîne mon cerveau. J'essaie m'entraîner à toujours savoir faire des trucs. Ouais. Parce que plus il y a des robots, après, j'ai l'impression que je vais devenir juste. Voilà, c'est un truc, c'est vraiment un truc perso. Bah non, mais bien sûr, de toute façon, c'est. J'ai peur du confort, je suis névrosé. Ouais. Moi, je trouve qu'on focus beaucoup sur justement les assistants Alexa et tout, à dire, ah, ils nous espionnent et tout. Alors que tu passes 10 minutes sur Insta, tu donnes beaucoup plus d'infos, beaucoup plus privées. Évidemment. Parce que là, Alexa, même, tu lui dis allume la lumière, bon, même à part ta voix à la limite. Même payer en ligne. Oui, en fait, tu payes en ligne, on sait tout ce que tu achètes, évidemment. Je suis d'accord avec ça, c'est pour ça que moi, c'est encore plus le truc du savoir-faire. Mais après, pareil, tu vois, c'est le savoir-faire, c'est allume la télé, allume la lumière. C'est juste un truc de confort, quoi. C'est pas du savoir-faire. Mais justement, je pense que je sais toujours allumer. Oui, mais tu vois, genre, par exemple, j'ai jamais utilisé ChatGPT. Ouais. Genre même pour écrire des trucs, c'est toujours un truc ça. Ah après oui, non, je ça, dis pas le truc bah oui, c'est juste toi, c'est ta mon façon qu'on l'utilise, mais c'est vrai que, en fait je crois que c'est ça, c'est mon le rapport être trop confortable me fait flipper. Mais je comprends. Mais ça en fait il faut trouver un équilibre justement entre, j'allais même dire il faut trouver ton équilibre. Oui ça, entre justement le confort et une certaine, enfin il y a une zone où en fait tu t'es productif, ou on va dire ça me fait penser que j'avais entendu dans un podcast ils avaient aux États-Unis je crois, ils commercialisaient un nounours, les fameux nounours où les gosses peuvent parler et après ça répète le truc qu'on a tous qui existe depuis longtemps. Et en fait, il y avait des, pour mettre à jour le nounours quoi. Ouais. Il fallait se connecter avec son téléphone et puis ça faisait la mise à jour du logiciel interne du truc. Et en fait, ils se sont rendus compte que la mise à jour c'était un prétexte juste pour, en fait, le nounours enregistrait et stockait tout ce que disaient les enfants. Et en fait, quand tu faisais la mise à jour, c'est juste, ils envoyaient toutes les données enregistrées, les fichiers audio, à une entreprise. Et en fait, leur business, c'était pas de vendre des nounours, c'était de vendre des données de voix d'enfants pour entraîner des IA et tout quoi. Terrifiant, ok. Donc c'est un sale ambiance que t'as un nounours. Sale ambiance. Sale ambiance. La vente de data, c'est le business de toutes les entreprises. Ça a dépassé la drogue en termes, je crois, de valeur effective. C'est-à-dire que n'importe quelle start-up maintenant qui vend un truc, leur. Enfin, peut-être pas n'importe laquelle, mais leur vrai business, c'est les données, quoi. C'est pas le truc qu'ils vendent. J'ai bien aimé qu'on ait dit vraiment des conneries, les pirates, et sur la question du robot, on a dit on va être le plus premier. Ben oui, mais. Et ça me va, et ça me va. Et j'ai un dernier segment avant juste qu'on. Juste, moi, j'ai acheté un assistant, mais open source, moi, un truc, donc pas qui dépend d'aucune GAFA et tout. Qui fonctionne avec Ubuntu. Quasi. Bon. Parce que justement, je me suis dit, il y en a marre, j'essaye un peu de m'éloigner des trucs. Bon, je l'ai acheté, c'est de la merde. Ça ne marche pas bien. Putain, mais moi j'ai voulu acheter le Dumbphone la semaine dernière. Il y a Panosis Pasco qui nous a parlé des téléphones un peu débiles. Oui, un téléphone à clapet quoi. Alors c'est pas vraiment ça. Tu peux quand même aller sur des trucs, mais enfin bref, c'est plutôt bien foutu. En fait, c'est Android, mais l'écran c'est encre électronique. C'est ça. Et t'as quand même des trucs pour te faire chier, pour parce que le clavier c'est un clavier comme BlackBerry un peu. QWERTY. Mais QWERTY, c'est ça où je voulais en venir. Ouais. Donc mais très moi, relou là, quand même. Moi là, j'ai des super projets dans la vie et un de mes projets c'est de me former à écrire sur un clavier QWERTY. Comme ça, je pourrais m'acheter des clavier. Mon ordi, c'est un QWERTY. Et toi, t'es aussi un carré. Moi aussi, mais c'est pas une volonté. C'est vrai. Bah ouais, mais parce que. J'ai vécu à Londres et ma femme est anglaise, tout ça. Mais moi, je veux m'apprendre à ça parce que des fois, je vois des claviers. Parce que j'adore les claviers, j'adore les périphériques. Et des fois, je vois un clavier et je fais putain, il est trop bien. QWERTY. Mais tu peux pas configurer un QWERTY en AZERTY? Si, mais c'est pas pareil, je pense. Après, c'est-à-dire que pour faire A, t'es obligé d'appuyer sur le Q. Et oui, c'est quand même. Maintenant, moi, je pense que je peux écrire. Enfin, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Mais après, moi, je sais que maintenant, je change. J'ai deux. Ouais. J'ai deux. Et des fois, je me mets sur le truc et j'écris en quoi. Enfin, tu vois, j'appuie sur le A pour faire des Q et j'appuie sur le Q pour faire des A. Des fois, je m'embrouille. J'ai un petit coup d'interview, je l'ai jamais testé. Ça peut être un fiasco, mais bon, c'est en fin d'émission, donc je peux le couper. On a bien parlé déjà. On se régale. J'ai appelé ça l'interview prénom. C'est-à-dire que je vais donner à chaque fois à chaque personne un prénom et il faut venir à la première personne à qui ça vous fait penser. Pas mal. C'est pas forcément une personne. Souvent, j'ai fait le test un peu avec ma compagne. C'est des gens connus. C'est des gens connus, mais peut-être pas. Mais oui. Ça peut être aussi quelqu'un. Et d'ailleurs, on pourra biper le nom de famille si c'est genre quelqu'un que vous voulez pas balancer son blaze. Mais voilà, je vais tester sur chacun d'entre allez, vous. Alors, on dit que ça nous fait penser à quelqu'un qui s'appelle comme ça. Et il faut que ce soit dans les ou pas, 3 premières secondes. Parce que si tu dis, par exemple, il y a des prénoms qui me font penser à un type de personne, par exemple, aussi. Alors, c'est plutôt quelqu'un. D'accord, de mais après, on pourra ouvrir. Après, on pourra ouvrir. Non, mais très bien. Non, mais tu pose vois... des règles et sois. Mais c'est ça. Non, mais... Je suis Adrien. Et tu m'aides à l'être. Et c'est ça qui me fait plaisir. Tu vois, si je te disais, mais dis Adrien. Méniel. Voilà, c'est le premier truc qui sort. Ou Rabio. Tu vois, ouais, c'est le deuxième. Coup est blessant. Et c'est le très marrant. Blessant. Et c'est très marrant ce que t'as fait, parce que tout le monde fait un peu ça. Oui. C'est-à-dire que t'as le premier qui fait ou machin, et c'est lui qui arrive en deuxième et au cinquième. Adrien, par exemple, je te dis Jacques. Chirac. Ouais. Chirac. Crac crac les pommes. Et en vrai, je me pas d'autres. C'est non, il y a Jacques Weber, il y a Brel, oui, Jacques vrai, Brel, Jacques Gamblin, Jacques Gamblin, Jacques Sparrow. Bon, c'est plus Jacques, mais. Donc Jacques Chirac direct. Bah Jacques Chirac, bah oui. Parce que ton enfance, t'as grandi. Bah parce que oui, Chirac, frère Jacques, les Guignols. T'as été chiracien aussi, on peut le dire à un moment. T'as j'ai eu ta période fait, chiracien. J'ai été directeur de cabinet de Chirac. Sous le nom de François Baroin. François Baroin. Il y avait pas une vidéo de lui où il rappait IAM? Ah oh, putain, ça me dit un truc, ça me dit un truc ça. C'est très possible. Pour boucler avec le rap. Mehdi, Pascal, Sofran. Pascal Sevran, mais ça a failli être Sevran. Sevran, ouais, c'est vrai. Parce qu'il y avait sûr, le fameux Sevran. Je pense à Pascal Sevran qui était animateur rap. Et c'est vrai que je viens de penser, c'est le premier oui, qui s'appelle même pas Pascal dans la vraie non. vie d'ailleurs. Oui. C'est un blast qu'il avait pris en hommage Thomas. À Pascal Sevran. Et voilà, et qui était animateur pour Génération avant à l'époque, bien sûr, quand j'étais plus jeune. Et qui il était venu dans Rap Jeu. Rap Jeu, absolument. Et qui était chez Move après, à l'époque, justement, il était venu dans Rap Jeu. Qui maintenant est parti, a dit voilà, c'est bon, j'ai fait le tour et je fais autre chose. C'est marrant, premier nom, quelqu'un qui a un peu ton métier. Un peu, ouais, c'est vrai. C'est bizarre. En plus, ça fait longtemps que je l'ai pas eu, mais j'ai pensé à lui tout de suite. C'est intéressant. C'est alors qu'il y avait Légitimus et Pro. Mais Pascal Pro, dont on a parlé, c'est vrai. Pascal Olmeta. Pascal Olmeta, Pascal Nouma. Oh Pascal Nouma. Très bon joueur. Je vais te régaler. Qui est une légende en Turquie, lui. Ouais. Moi, quand j'avais, je pense, 15-16 ans, j'étais au magasin Games de Saint-Germain-en-Laye. Et qui est-ce qui achetait un jeu à côté? Pascal Nouma. Pascal Nouma qu'on aperçoit dans le clip de Bye Bye de Ménélique. Mais non. C'est pas vrai. C'est un caméo dans le clip. Il y a lui et je crois que c'est Sylvain Wiltord, mais ça je suis pas sûr. Ah. Faudrait que je vérifie. Mais il y a Pascal Nouma, c'est sûr et certain. J'aime bien les guests dans les, ah ouais, dans les clips. Bien il y a sûr. Le fameux Cécile de France dans le clip de This Is, je pète les oui, plombs. C'est elle qui est au McDo. Qui ah dit ouais, le morning c'est fini. Ouais, ouais, c'est Cécile de France. Tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. C'est le clip des Stalgos où il y a aussi. Il y a Eva Mendes dans le clip Miami de Will Smith. Oui. Eva Mendes était une jeune actrice figurante et ils se retrouveront après dans Hitch. Incroyable. Des années plus tard. Audrey Fleurot dans le film. Dans le clip de Sully Séphil. Oui, oui, oui, oui exactement. Wow. Et oui, et oui, ouais, oui. Ouais, c'est vrai. Ça aurait pu être un rôle dans... principal en plus. C'est... Oui, oui, oui, presque oui. un jeu, ça en presque fait. Un jeu, ça, ouais, presque un jeu un peu sympa. Un peu sympa. On l'a fait dans l'autre sens. Ouais. Ça a donné la réponse. Exactement. Garan, si je te dis Patrick. Sébastien. Ah, ouais, ouais, voilà. Ouais. C'est marrant, j'avais Juvé moi. Mais tu vois, mais c'est ça. C'est ça. Bah, là, en fait, le truc, c'est que vu que c'est la première chose qui te vient, là, vraiment, là, t'as dit Patrick. Il y a Bruel, il y a tu es. Bah oui, Team Seat, bien sûr. Bien sûr. T'as eu le réflexe de faire. Salut, c'est comme tout le monde. Salut, ouais, c'est Team Seat. Ouais, évidemment. C'est vrai, Patrick, quoi. C'est un prénom, Patrick. Ah, c'est un vrai prénom. J'ai essayé de prendre des. Ouais, il y en a plusieurs qui peuvent sortir, tu vois. Adrien. Daniel. Prévost. Ah, mais t'as vu, pas Balavoine. Ouais, moi j'avais Balavoine. Tu vois, alors que t'es Balavoine. Fan, Prévost. C'est vrai, c'est vrai. En vrai, j'avais Day Lewis aussi. Ouais, bah oui, évidemment. Mais alors que j'ai peut-être jamais vu aucun film avec lui, mais. T'as pas vu There Will Be Blood, qui est un de mes films préférés? Eh non. Je t'invite à le regarder. C'est un. Je pense que tu peux adorer, honnêtement. Ouais, ouais. Franchement, je pense que tu peux kiffer. Tu vois que je vais me allez. Noter tout de suite. Daniel Prévost, parce qu'on a eu beaucoup d'échanges sur Daniel Prévost récemment. Bah oui, parce qu'on en a parlé. Parce que j'ai regardé une vieille interview de Daniel. En fait, je suis tombé, je sais pas si vous avez ça dans les Vortex YouTube. Oui, bien sûr. Une interview oui, excellente, après, une deuxième, une troisième. Non, mais même toi, enfin, oui, même pas oui, l'algorithme, oui. J'y vais. Ah toi. Oui, d'accord. J'y vais de mon plein gré. Une interview de Daniel Prévost. En fait, j'adore la vibe de Daniel Prévost. qui est un peu comme Christian Clavier, à savoir des gens qui envoient un peu chier l'intervieweur. Ouais, voilà, ça peut être un peu marrant. Et Daniel Prévost, il y a une interview très marrante sur YouTube de Daniel Prévost qui envoie chier Fogiel pendant 25 minutes. Bah j'adore, moi, j'adore. J'ai un visite et qu'il lui fait genre, non mais arrête de faire, je vois ce que tu essayes de faire, c'est ridicule. Non mais je vois très bien ce que tu essayes de faire et je m'en fous. Voilà. Non mais laisse-moi parler. Parce que t'es un ringard et t'essayes. Non mais je vois ce que vous essayez de faire, Daniel, vous essayez de faire des blagues, mais au bout d'un moment il fait oui mais je fais des blagues parce que je suis marrant. Arrête d'essayer. Voilà, c'est très. Tu te fais mousser là. Tais-toi deux secondes. J'ai un souvenir moi de Daniel Prévost dans Tout le monde en parle. Donc moi j'ai enregistré Tout le monde en blanc, c'était tard, et je l'ai rematé le dimanche matin dans mon lit, c'était un vrai plaisir. Oh, bref, la belle vie. Je me souviens de Frédéric Diefenthal qui est invité, j'avais déjà un appart énorme. Frédéric Diefenthal qui était invité pour un film, un film français bref, et Prévost était là, et t'as vraiment Diefenthal, je crois que c'était un film qui avait été, moi j'étais Cine Live tous les mois à l'époque. Oh, le film il avait eu un œil. Tu sais, un œil, ça veut dire vraiment, c'est la pire. Pour Ciné Live, c'est vraiment peu, parce qu'il notait plutôt bien. Ouais, ou peut-être même le rond qui était à oublier illico, ça voulait dire. Je me souviens vraiment de la notation. Ouais. Bref, film de merde selon Ciné Live. Et donc, Diefenthal était là et en parlait de manière super sérieuse. Oui, et en fait, je suis un flic pris dans les méandres psychologiques. Et là, t'as Prévost qui est là, il fait j'aimerais bien la rentrer dans un petit méandre psychologique. Il était vraiment en train de se foutre ouvertement de la gueule du mec qui faisait de la pro d'un film pourri, super premier degré. Et lui qui dit ça comme ça. Et j'avais trouvé ça super, fin, tu vois. Oh, je insolent en fait. Ah, mais oui, mais lui. C'est un bonheur. Un bonheur. Impertinent même. Oui. Il pourrait écrire une lettre au président. Waouh, il l'avait, j'allais la faire, il l'a fait avant moi. C'est pas que je l'avais, c'est que j'ai dit impertinent juste pour le problème. C'est superbe. J'en ai encore quelques-uns. Ngaran, pardon. Bah, Fall. Oui. Ouais. Ouais. Si je dis Jeanne. Serge. Ah. De Serge. De Jeanne et Serge. Ouais, non, mais c'est vrai. Jeanne Azuki, du coup. Non, mais j'avais été sur. Je connaissais pas du tout son nom de famille. Azuki. Je croyais que c'était de et Serge, moi. Jeanne et Serge. Non, mais oui, bien sûr. Jeanne et Serge. Mehdi. Paul. McCartney. Oh, pas Pogba, pas Mirabel, Pas Mirabel. Non, j'ai posé à pas Ricard. Ricard. Et c'est le nom d'un sandwich. Pas Pote. Ouais. Non. Non, je crois que je suis influencé parce qu'hier j'ai vu un post Insta qui montrait la distribution des acteurs qui allaient jouer les Beatles dans un film à venir. Oui. Ah oui. Et voilà. Donc du coup, je pense que ça m'a sûrement influencé dans ma réponse. Ça. Ouais. C'est souvent ça. C'est ton d'ailleurs. Oui, Paul Mescal. Paul Mescal. Ouais, bien sûr. Très proche physiquement. Voilà. C'est devenu un gag parce qu'il est très beau et pas moi. C'est ça qui est un peu blessant. Bah, oui, bien sûr. Non, mais je veux dire. Oui. Évidemment. Déjà, c'est parce fou. Que mon vrai sosie, je le rappelle, est Olivier de Benoît. C'est malheureusement ça la vérité. Et oui. Mais contrairement à Olivier de Benoît, quand il ressemble pas à Paul Mescal, toi. Non, tu moi je suis le juste milieu. Toi, tu lui ressembles. Et en plus, Paul Mescal met beaucoup de shorts. Il met beaucoup de shorts. J'étais souvent vrai. Vu en short. On pourrait faire un dégradé de toi, tu sais. Mescal, toi, Olivier de Benoît. Tu veux faire comme les trucs d'évolution là où tu pars du singe et t'arrives à un homme, tu pars. Tu vois où Flaubert est. Le tétard au milieu de l'évolution. Adrien Michel. Drucker. Oh ouais, ouais, bah ouais. Mais non, mais surprenant, ça aurait pu être Sardou, Paul Naref. Galabru. Galabru. Ah ouais. Oh, Galabru. Cruchot. Cruchotfield. Comme Michel. Il disait. Comme il disait. Les mauvais textes. Le Nord, bon. Enfin, il est connu pour Michel Berger aussi. Cela non, dit, mais après, oui, en vrai, si je réfléchis, je dis plus Berger. Bah mais oui, le évidemment. Premier qui m'est venu, c'est Drucker. Bah, ouais. Mais c'est d'ailleurs, tu mets le doigt sur quelque chose que je trouve toujours assez fascinant, c'est ces acteurs qui ont des répliques cultes, mais très espacées dans le temps. Ouais. Galabru, il a Cruchot et le Nord. Ouais. Il y a quand même 50 ans qui séparent le Bienvenue chez les Chiffres. Oh, c'est le Nord. Putain, je me rappelle, je l'ai vu il y a pas longtemps hein, le film. Ah ouais. Dans le film, à un moment il dit le Nord. Hein, ouais, ouais, il dit le Nord. Ok, d'accord. Oui, c'est la fameuse réplique où tu sais, il fait flipper Kadmerad. Où il a tout son monologue sur à quel point c'est. Bah, je m'en rappelle. Hein. Bon, chers amis, ça fait déjà 2 heures qu'on parle. Vous imaginez un peu. C'est pas assez à mon goût. On va quand même clôturer avec les fameuses recommandations culturelles du podcast. Donc, s'il y a quelque chose que vous avez aimé, ça peut être du rap. Non, mais je sais pas. Ouais, imagine ça, mais. Imagine. Non, ça peut être du cinéma, de la musique, du théâtre, un livre. Une série Apple, par exemple. Une série Apple. Cela dit, il y a une très bonne série Apple en ce moment. Severance. Ah non, The Studio. Ah moi The j'étais sur The Studio, j'ai pas encore commencé. J'attends que ce soit terminé. J'attends, mais... pareil, j'attends que ce soit terminé. J'adore. Tu stack. J'attends pour voir si vraiment je la conseille, mais pour le moment les deux premiers épisodes m'ont régalé évidemment. Ouais, moi j'attends que ce soit fini pour vraiment tout. J'ai pas envie d'être frustré chaque semaine. Mais ouais, quelle folie quand même cette liberté de la fiction maintenant. De premier épisode de The Studio 48 minutes, deuxième épisode 22 minutes. Voilà. Ah ouais ouais. Et quelque part j'adore. Le troisième épisode rien. C'est fou. C'est générique et c'est fini. Nguyen, est-ce que tu as quelque chose à conseiller aux auditeurs que tu as aimé récemment? Je crois que j'ai déjà conseillé dans le Mousecast. Déjà, moi, je vous conseille le Mousecast. Non, mais si vous essayez, si vous cherchez des ambiances un peu discu, marrant, sujet, Mousecast, très bon. Ça a déjà été Marocco, Florent. Je sais, mais je l'aurais dit. Non, mais c'est pas de me voler. Ils sont là, je l'aurais dit. Ah, tu veux les sucer? Non. Les courses. Et pourquoi pas? Est-ce qu'on doit mal prendre de se faire sucer un petit peu? Bah, on fait ça et après on moi, va je suis très Tortuga. Après Tortuga. Ah ouais, venez. Putain, le fait qu'on puisse pas y aller parce que on a un truc on après, a un cool. Ça me frustre, premier degré, parce que j'aurais adoré qu'on aille tous à Boum Boum. Là, je viens de voir qu'on a reçu des messages. C'est moi parce que je lui ai dit qu'on aurait du retard. Bref. Vas-y, je t'en prie. Dernier film de. C'est pas drôle du tout, c'est très déprimant. Dernier film de Mike Lee qui va sortir en France que j'ai vu, qui s'appelle en français Deux Sœurs. Oui. Avec une actrice que je trouve exceptionnelle, qui est l'actrice britannique Marianne Jean-Baptiste. Ok. Et voilà, c'est un film sec. Si vous êtes de très bonne humeur et que vous avez plus envie d'être, vraiment allez le voir. Mais si bah, vous souvent êtes chez Mike Lee, c'est souvent ça. Mike Lee, ouais. Souvent la situation inverse. Je te cache pas. Oui, c'est ça. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça. C'est le dernier film que j'ai trouvé. Est-ce que tu peux peut-être juste résumer très vite fait l'histoire ou très rapidement. J'en vois c'est, à peu près. C'est un biopic de Thomas Dessert, tout simplement. Surprenant. Ouais, enfin ouais, c'est vraiment l'histoire de deux sœurs, ouais. Et dont une qui est dans un état de dépression et de surtout de haine de tout, ouais. Tout le temps et qui ne sait pas pourquoi. Sa sœur essaye de la dérider. C'est vraiment juste. C'est Flocast. Donc sa sœur crée un podcast pour qu'elle puisse un peu. Ils font des jeux. Et à ce moment-là, elle se rend compte qu'elle adore les quiz. Mais elle parle beaucoup de chiasse. Vu qu'il veut. Elle a des problèmes de transit. Voilà, non, c'est vraiment un film de non-dit dans le couple, la famille. Ok. Tout ça. Très bien, bon, très bien. Super, ça vient de sortir depuis le 2 avril là, donc n'hésitez pas, c'est au cinéma. Mehdi ? Écoute, moi en ce moment je regarde, enfin j'ai fini du coup là de regarder une série qui n'est pas incroyable mais qui m'a procuré du plaisir et qui a été très enthousiasmante, c'est The Residence sur Netflix. Très bien. Tu vois ce que c'est ? Je vois ce que c'est. Ouais, qui est en fait une série qui carrément surfe hein, sur la nouvelle, on va dire, mode, en tout cas le revival des films et des contenus un peu d'enquête après à couteau tiré. Je sais pas si vous avez aimé. Ah, les Houdanit, quoi. Pardon ? Des Houdanit. Exactement. Comme le Cluedo, quoi. Tout à fait, exactement. C'est complètement ça. Et d'ailleurs, il y a même une référence au personnage de Benoît Blanc dans le premier épisode de The Residence. Donc, il est joué par Daniel Craig dans. Qui est fou, d'ailleurs. Le mec s'appelle Benoît Blanc, parce que c'est un comédien qu'on connaît qui s'appelle Benoît Blanc. Ouais. Ah, je connais pas Benoît. C'est un comédien qu'on a déjà dirigé avec Adrien et qui s'appelle Benoît Blanc. Incroyable. Son nom, c'est un perso connu maintenant. C'est incroyable. C'est fou. C'est fou. Et donc, voilà, il y a globalement un décès. Parce qu'on ne sait pas si c'est un suicide ou un meurtre au début, à la Maison Blanche, le jour d'une grande conférence. D'ailleurs, c'est Giancarlo Esposito, très bon comédien qui joue ce personnage-là. On l'adore. Et donc, il y a une enquête avec une détective un peu fantasque. C'est ce qu'on aime bien dans ce genre de contenu, c'est que les détectives sont toujours un peu. Ils se permettent des excentricités. Donc, elle est fan d'oiseaux, donc elle fait du birding. Elle est évidemment super forte. Il y a un côté un peu Sherlock Holmes, ouais, c'est un peu tout sur tout. C'est joué par Uzo. Oui, tu vas pas aimer du coup, parce que tu t'aimes pas quand ils sont trop forts. Et c'est vrai qu'elle est super forte, mais en même temps, elle est excentrique, donc elle est un peu relou aussi par rapport aux gens socialement. J'adore les enquêtes, donc je vais peut-être tester. Ouais. Mais c'est joué par Uzo Aduba qui jouait dans Orange is the New Black, et c'est une série qui est produite par Shonda Rhimes. Voilà, donc j'ai trouvé ça. Cool, c'est pas incroyable, mais moi ça me. Beaucoup de satisfaction, ce genre de contenu. Voilà. Ma passion d'Adam Sandler, à la base, est liée à ça. C'est-à-dire que moi j'aime, c'est des films que je sais qui ne sont pas des chefs-d'œuvre de la comédie, loin de là, mais qui me. Mais moi j'aime bien. Murder Mystery et tout, franchement j'aime bien. Ouais, c'est vraiment sympa. Pas les meilleurs mais Sandler, non, mais. Je le conseillerais à personne. Ouais. Mais je me sens bien devant ces films. Oui, ça me fait oui. passer un temps pas dégueulasse. Je suis d'accord. Donc je comprends ce genre de contenu. Il y a Ken Marino qu'on adore, Adrien, dans cette série. Ah alors c'est pas de la comédie du tout, hein, mais Ken Marino qui est le héros de Burning Love. Exactement. Pillé avec Jonathan Cohen. Ouais. Oui, oui, non, mais oui, c'est vrai que c'était la c'était rêve, le remake, bien sûr. Bien sûr. Et bien, quant à moi, je vais faire une mini roco sinoche liée à l'actualité, vu que Yves Boisset, donc j'ai dit tout à l'heure, est décédé. Alors, c'est un réalisateur que je connais pas très bien, mais j'avais juste vu un film, donc j'avais vu Le Prix du Danger, donc qui est le film dont on parlait très vite fait la dernière fois, enfin tout à l'heure, pardon, avec Gérard Lanvin, qui est en fait un film, quand vous le regardez, c'est, on dirait, un. Pitch de film américain, puisque c'est après on l'a vu dans plein de trucs, c'est ça se passe dans le futur et en gros c'est une émission télé où le dernier qui survit gagne l'argent quoi. Et c'est une émission télé. Squid Game. C'est tous ces films là qu'on connaît et c'est avec Michel Piccoli également qui joue le présentateur et qui est littéralement un personnage des Simpsons. Enfin, il est vraiment trop marrant dans le film parce que c'est vraiment... il est tout ce qui est Jacques Martin, enfin tous les animateurs de l'époque, mais pour un truc de chasse à l'homme. Donc c'est vraiment là, il y a un contraste qui est vraiment marrant et c'est un super film de science-fiction français. Et vu qu'il était mort, ce qui est cool dans les plateformes, c'est que plateformes genre Canal et tout, ils remettent les films souvent. France Télé, je sais qu'Arte aussi. Bah Le Prix du Danger, il est sur Arte en ce moment, donc sûrement sur YouTube, parce que Arte il faut ce truc cool ou voilà. Du coup, j'ai maté Le Juge Fayard dit le shérif avec Patrick Devers. Qui est inspiré du gang des Lyonnais et du meurtre d'un avocat dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais et donc c'est c'était sur pas un... l'assassinat du juge Michel. Exactement. Non, du juge Renaud. Renaud, je crois. Et en gros, c'est comme son nom l'indique, c'est un juge qui enquête sur une affaire et qui en gros on essaie de le faire taire. Et lui, c'est un peu c'est ces films où quand l'acteur est tellement bon, ce serait un autre gars, ce serait peut-être moins intéressant. Là, c'est Patrick Devers qui joue un juge vénère. Devers Prime, tu peux le dire. C'est du Devers Prime. Voilà. 77, c'est le moment où il a vraiment, où il se met à 200%. Il l'a toujours fait, mais là, il est vraiment à 300% dans le personnage et le perso est cool parce qu'il a vraiment ce truc de je veux trouver la vérité. Voilà, c'est ça. Mais c'est trop Serpico un peu, mais c'est un peu ça parce qu'en même temps, on lui dit mais vos méthodes ne sont pas tu vois, il se vénère sur un mec dans le coma pour qu'il parle. D'accord. Il dit tu vas crever, putain, dis les noms de tes associés. Enfin voilà. Et c'est vraiment un film cool, film français super. Donc Juge Fayard dit le shérif et sinon Le Prix du Danger qui est sur Arte, etc. Donc voilà, deux films que je vous conseille. Et je rebondis aussi sur la série dont tu parlais, ça m'a fait penser à un film que j'adore avec Clint Eastwood qui s'appelle Je crois dans la ligne de mire. Oui, dans la ligne de mire, celui-là super. Où il y a un meurtre à la il joue un garde du corps. Attends, il y a un meurtre à la Maison Blanche. Et dedans, il y a une love story entre lui et René Russo. Et j'adore René Russo. Évidemment. Et tout de suite, permettez-moi de conseiller Tin Cup. Ah, oh, s'il te plaît. Un film que j'adore sur le golf, mais en réalité sur les perdants magnifiques. Évidemment. Et voilà. Et avec Kevin Costner qui joue un joueur de golf qui ne veut pas, qui veut juste faire des coups impossibles et qui ne veut pas gagner. Bref, voilà. Et tu parlais d'anciens films des années 70 de science-fiction avec une chasse à l'homme. Elio Pietri, la dixième victime. Je connais pas ça, tu vois. Avec Marcello Mastroianni et Ursula Andress. Ah bah, tu vois, je prends. Je hyper prends. Bien. Mais oui, dans la ligne du mur, alors c'est vraiment très les années 90, ouais, attention. Ouais, hein, mais déjà, j'adore parce que Clint Eastwood joue un garde du corps. Son trauma, c'est qu'il a raté c'est à cause de lui que Kennedy est mort. Ouais, j'aime bien quand on y va avec vraiment les gros sabots, quoi. Ouais, c'est le garde du corps qui a pas réussi à sauver Kennedy. C'est un vrai trauma pour le coup. Ah ouais, dans le CV, c'est vraiment pas ouf. Quand t'es garde du corps, j'ai vraiment raté mon job. Et donc, tu taffes encore comme garde du corps. Ouais. Et on te met à la Maison Blanche encore, quoi. Genre, non, mais là, ça va aller. Oh non, c'est reparti. Ah, c'est pas celui-là qui est pas réalisé par Eastwood justement, je crois. Il est pas réalisé par Eastwood, il est réalisé par Wolfgang Petersen, qu'on adore, super réalisateur. Air Force One, ouais. Terminator 3 qui est décrié parce qu'il est pas aussi bien que l'autre, mais qui est très fun. Oui, voilà, bien sûr. Qui est très fun. Adrien Méniel. Je vais faire deux. Il a pas du tout réalisé Terminator 3. Je viens de vérifier, je me suis trompé. C'est pas Michel du tout, Piccoli. Lui. Pas du tout. C'est Michel il Piccoli. A réalisé En pleine tempête que j'adore. Voilà. Ah oui, avec George Clooney, super film. Et Mark Wahlberg. Twister. Alors j'ai bien aimé le Twister qui est sorti l'été dernier. Il paraît qu'il est bien. Je le trouve mieux qu'original. Il est fun. Ouais, j'ai entendu. Un bon summer movie. Sympa. Moi je me souviens pas du dernier film que j'ai vu au cinéma, tellement c'était il y a longtemps. Ah bon? Ah ouais. Les Leroy peut-être. Peut-être, hein. C'est possible. Hein. Non, moi je vais recommander. Alors bon, c'est pas des énormes recos. Il y a un YouTuber qui s'appelle Ed Pratt. Ed E-D plus loin P-R-A-T-T. Il a fait une série de vidéos. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est très long. Du coup, c'est de la très bonne vidéo de le matin. Tu sais que j'aime regarder les vidéos le matin, mais c'est de la bonne vidéo de week-end. Tu regardes, mais t'as un peu envie de faire autre chose. Ça se regarde tranquille. En fait, il s'est lancé un défi, c'est de toi l'anglish. Ça va te parler. Et je parle à Guérin quand je dis Guérin. Ça. L'anglish, il va nous faire quelques accents. Ouais, c'est un panaché d'accents. C'est ce que je préfère. Non, en gros, il s'est dit, je vais traverser la Tamise en partant de la source jusqu'à la mer, et je n'ai pas le droit de sortir du lit de la rivière. Sur mer. Et donc, c'est une expédition de plusieurs semaines, quoi. Et donc, il part de la source parce qu'il y a une espèce de stèle au niveau de là où elle prend sa source. Et donc bon, c'est complètement asséché. Donc lui, au début, il marche juste, il suit le lit. Puis après, il a 5 cm d'eau. Hein. Et puis les débuts sont assez marrants parce qu'il traverse des villages où c'est juste une sorte de ruisseau de merde qui passe par des espèces de bouches d'égout. Et donc lui, il est obligé de ramper dans des tuyaux et tout. Et à un moment dans son itinéraire, il a un kayak. Et du coup, au début, il est à pied, il marche dans la rivière, et après, il prend un kayak et il continue. Moi, la série n'est pas finie, donc je sais pas. Mais en gros, son but, c'est vraiment il traversait Londres et tout en kayak et aller jusqu'à la mer. Et c'est très long, c'est assez. Même si je déteste ce mot quand on le dit pour un film, parce que je sais que je vais détester, contemplatif, mais là ça marche dans le côté t'es chez toi, t'es un peu tu viens de te réveiller, tu regardes ça, t'es bien. Et donc c'est toute une série de vidéos, je sais pas combien il y en a jusqu'à présent, il doit y en avoir 4 ou 5 et puis il va y en avoir encore d'autres. Et voilà, c'est juste le mec et puis il croise des gens et c'est assez wholesome comme on dit. Ouais. Et puis bah il campe, moi j'aime bien le camping, j'aime bien tout ça. C'est vrai que t'aimes ça. Et donc il parle. Ouais, il parle, ouais, oui, il non, parle. Parce qu'il y a aussi, tu sais, je pense, tu vois, le Ed Grandquist, le Suédois qui fabrique un chalet depuis 4 ans en Suède, dans une forêt. Pas. Ça fait partie des vidéos. Il fait. C'est un mec qui est parti, il y a 4 ans, il est parti de la ville, et il fabrique dans une forêt un chalet. Il dit rien. Il coupe du bois, et il fait des chalets. Je l'ai déjà dit, c'est mon avenir. C'est un des trucs les plus apaisants que j'ai. Ah, bah écoute, ça m'intéresse. Parce que je connais une chaîne de bushcraft un peu comme ça, où c'est, mais je crois que c'est un Norvégien. Et pareil, le mec, c'est extrêmement bien filmé, il parle jamais. Mmh. Et j'adore. Mais c'est peut-être lui, en fait. Je crois pas. Bon, ouais, mais bref. Mais en tout cas, non, lui, il parle, c'est très format vlog, on va dire. Mais il croise des gens, il leur parle, les gens lui disent ah, tu veux une bière, machin. Il croise des gens, il les. Bière? et c'est très sympa. Et sinon un petit jeu là auquel je joue sur le téléphone. Oh le salaud, il y en a deux. Qui s'appelle bah ouais. Mais non mais merde. Mais l'épisode était pas assez long en fait. Non, un petit jeu qui s'appelle Guncho, G-U-N-C-H-O. Je vais pas me lancer dans une longue explication parce que on va encore me la ressortir pendant des mois et des mois et se foutre de ma gueule et m'humilier, ça, pas, me cracher à la gueule. Passé, je vous fournis du divertissement gratuit. Hein, du contenu. Je vous rappelle. Du Guncho, en gros, c'est un jeu. C'est un peu de la stratégie. C'est-à-dire, on joue un mec avec un flingue. La zone de jeu, c'est des hexagones sur laquelle on peut se déplacer. On peut se déplacer d'une case à chaque fois. Ou faire une action à chaque fois, donc c'est-à-dire que l'action ça peut être tirer, mais plus et il faut évidemment le but c'est de tuer tous les ennemis qu'il y a sur la zone et on passe à un niveau suivant et à chaque niveau on peut obtenir une nouvelle capacité. Par exemple, s'il y a un ennemi qui est sur la case adjacente de toi, vous pouvez échanger de place. Donc il y a des trucs de stratégie qui arrivent parce que il y a différents ennemis ont des attaques différentes. Donc par exemple il y en a qui ont un flingue, mais donc s'il y a un mec qui est à côté de toi et qu'il y en a un autre qui va te tirer dessus, hop, tu switches de place, et puis c'est l'autre qui se prend la balle. Hop là, gratos, sans te... voilà. Et donc c'est de la stratégie, bon. C'est sympa, c'est... voilà, tu joues comme ça, là, dans le train, dans le métro, t'as 5 minutes, tu joues à ça. Guncho, c'est de la stratégie, mais pas vénère, c'est fun, c'est sympa, voilà, ça se joue, tranquille. Sur PC, Mac. Sur mobile. Téléphone, pardon. Téléphone. Parce que jouer sur PC ou Mac dans le train, c'est chiant. Ouais, ouais, j'ai... Ouais. Dans le train, oui, dans le métro, ça devient plus bizarre. Oublié. Mais non, sur téléphone. Très bien, très bien. Guncho. Voilà, okay. Parfait. Sympa. Très sympa, en fait. Bah, c'est tant mieux. Très sympa, ce jeu. Chers amis, voilà, c'est la fin de cette émission. Mehdi Ngaran, on vous retrouve dans le Mousecast toutes les semaines. Absolument. Vous avez un jour de sortie ou... Non. C'est très chaotique. Un jour dans la semaine. Voilà, un jour on dans la semaine. On aimerait bien, mais on n'y arrive pas. Bah, vous y arriverez. Vous y arriverez, ouais, n'hésitez pas. On essaye d'apprendre des meilleurs. Ouais, dernier épisode. Alors, pas on a mis quelques années, nous. 7 ans. Tout simplement, 7 ans. mais oui, il y a eu un des derniers épisodes, l'humour. Déjà, vous pouvez commencer. Vous savez quoi? Je vous conseille ça. Ça il y a un épisode avec Adrien. Oui, voilà. Vous commencez comme ça, c'est comme se mouiller la nuque. Voilà, exactement. Vous, voilà. Et une fois. Bon, c'est sûrement déjà fait avec cet épisode, mais vous tombez amoureux de ces deux loustiques et après ça part. Et après ça part. Y a ouais, tout... Et après, c'est une super aventure. Voilà. Et d'ailleurs, merci de pas m'avoir invité au premier épisode. Parce que souvent, je suis un peu l'entrée de gamme souvent. Oui. J'ai souvent eu ça aussi. Parce qu'on est des gars sympas, tu sais que le contenu va être ok. Oui, tu sais, c'est accessible, oui. Pas cher, ça coûte pas grand chose. Exactement. Et donc, ça fait pas des millions de vues, mais c'est à peu près identifié. Je suis ce gars-là, moi, dans voilà, le rap. Voilà, mais ça met aussi un petit coup de projo parce que tu viens du podcast dès le premier épisode. Il y a ça aussi. Vous avez attendu pour m'inviter. Tout à fait. Parce qu'aussi, on voulait être sûr de ce qu'on faisait. Tu vois, on voulait pas t'inviter sur un truc un peu. Branlant, c'est le bon que je choisis. Parce que parfois, t'es invité au premier épisode, c'est très sympa, super, hein. Mais après, au fil des mois, ça évolue, ça devient mieux. Oui. Bah, toi, t'es plus invité, toi, tu t'es tapé le premier épisode. Je connais ça. Je ne vise personne. non, bien sûr. Mais ça arrive. Voilà. Enfoiré de JB. Bah non, JB, pareil, le podcast, tu vois, il a attendu. Alors que bon. On pourrait croire. Oui, un podcast pour premier. Se plaindre, il aurait pu m'inviter en premier. Mais voilà. Non, mais on avait fait le premier du de JB, on avait fait Jurassic Park. Son premier podcast avec nous. Oui, mais alors que pourtant, je suis un terrible invité pour un podcast pour parler de cinéma. Donc, et t'avais super, hein, été super. Et puis quoi ? Mehdi, le rap a gagné, livre qui est sorti, oui. Qui parle de, mais de. Mais à quel prix ? C'est ça la question. C'est ça la question. 14€. Est-ce que t'as au moins mis un petit mot ? Oh là là. Non, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pensé. Peut-être que vous avez pas envie que j'ai dit cas, c'est des gens qui aiment pas ça. C'est faux, c'est pas normalement raison, les gens c'est aiment pas bien. La, tout. C'est pas la raison, Mehdi. Vraiment oublié. C'est pas grave, tu nous as déjà offert un cadeau. En vrai, ta part. C'était juste pour faire un petit happening. Ça me va très bien. Et le code qui continue, voilà, ouais. Mousecast, etc. Bon, les gars, merci beaucoup. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. C'est grave, merci les gars. Salut tout le monde, ciao. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.